Ah, c'est peut-être Denzo, justement. Bonsoir, Eric. Bonsoir, les filles. Bonsoir, tout le monde. Ça va, Eric? Ça ira mieux dans pas longtemps. Oula, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'appelle tout simplement pour prendre la défense d'Amir. Parce que ça va pas. Vous arrêtez pas avec ses sourcils. Faut arrêter. Ouais. Faut arrêter. Moi, je suis avocat. Je suis avocat. Vous êtes même à Paris. D'accord? Et je veux prendre ta défense. J'arrête de clasher, machin. Il faut penser aussi au beau côté des sourcils. Alors, des gros sourcils. Eric, nous t'écoutons, la France t'écoute. Par contre, ça, c'était un bruit de bâton de théâtre. Moi, j'étais parti sur un bruit de marteau tribunal, mais bon, c'était pas ça. Non, c'est pas le même. Eric, nous t'écoutons. Donne-nous les avantages d'avoir les sourcils d'Amir. Alors, les avantages des sourcils d'Amir, comme les miens d'ailleurs, ça tient chaud, déjà, en hiver, c'est parfait. Quand il pleut, eh ben nous on a pas, ça protège les yeux, donc on n'a pas de gouttes dans les yeux. Non. Enfin, mes yeux ne se noient pas non plus quand il pleut, hein, Eric. Si, quand il pleut beaucoup, je dis rien, mais je dis ça comme ça. Ouais. D'accord. Une casquette. Ouais, quand il pleut, tu mets une casquette, bon voilà, pas crédible quoi. Mm-hmm. Et du coup, si j'attaque les filles, tu me défends? Ben bien sûr. Tu peux gagner de l'argent un peu? Mais n'importe quoi. Oui, bah, si je peux te faire gagner de l'argent et tu m'en fais gagner, ça serait parfait. Les gars, c'est de la vanne. T'imagines s'il fallait attaquer tout le monde qui faisait des vannes? Non, mais effectivement, non, mais Eric. Ils ont réussi avec des sourcils, hein. Regardez Raymond Domenech. Ah oui. Il a réussi. Et même Richard, qui était un brillant journaliste sur une chaîne télévision. Et lui d'ailleurs, lui. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est un grand producteur, Emmanuel Chan. Il produit plein de trucs, des séries. Il produit plein de doses. Hein. Yannick, il y a rien de drôle, là, j'entends des gens derrière. Parce que Yannick, il se marre pour les poils qu'il y a entre les deux yeux, là, sur le nez. Ouais, mais j'avoue qu'il c'est lui, pareil, c'est dur. C'est une barrière de protection. Bah, écoute, t'es un gentil, toi, mon gars. Ouais, on a entendu ton cri du cœur. Team Amir, team sourcil, y a pas de souci. Est-ce que. Allez, je propose un truc dans l'équipe. Ouais. 15 minutes sans vanne sur les sourcils, mais pas plus. Ouais, 15 minutes, c'est chaud. C'est non, impossible. 5 minutes. Je vais pas tenir. Non, 5 minutes. Le temps d'écouter un disque. Voilà. Ouais, voilà. C'est quoi? Mais allez-y, continue. Hein. Je vais pas finir la saison. Eric, on t'a entendu en tout cas. Merci, ça t'a fait du bien, Amir, c'est vrai. Hein. Voilà, Amir, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Merci. On prend contact sur les réseaux. Ça me fait chaud au cœur. J'ai une question, Anso. Pas qu'au cœur aussi. Parce que tu vas chez le veto, là, demain, est-ce que tu vas emmener les sourcils d'Amir pour un petit contrôle? Le vaccin des 3 mois, non? Ah, vous voyez, c'est pas possible. Même le temps d'un disque, on peut pas ne pas faire de vanne sur les sourcils. J'ai essayé, j'ai pas pu. Eric, on t'embrasse, mon chat. Merci de nous avoir appelé. Salut tout le monde, ciao. Au revoir, maître. Bisous à toi. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, on voulait parler des peurs qui ont pu vous arriver dans la vie. Enfin, la dernière fois où vous avez déjà flippé. Ah, oui. Parce qu'on est tombé sur un truc avec Marion, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. C'est cette vidéo d'un requin qui arrive dans une cage à requins. Ah, ouais. Alors qu'il y a un gars qui est dedans pour juste voir les requins. Le mec s'invite dedans, c'est un truc de ouf. Horrible, ça fait flipper. On va vous faire tourner la vidéo. La dernière fois que vous avez flippé, c'était quand? Appelez-nous, on se retrouve juste après Mike Perry sur Fun. You can be my guiding light. Keep me. Company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe. I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get. Into the ocean. 22h14, c'est le Night Show, on est en direct et il faut absolument que je vous raconte un truc qui s'est passé samedi soir. Samedi soir, c'était le lancement du premier prime là de Danse avec les Stars. Vous avez regardé l'équipe ? Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Et il s'est passé un truc de ouf dans le Finistère. En gros, il y a un couple qui s'est violemment disputé à cause de Laurent Mestret. Vous savez, le beau gosse de l'émission qu'avait fait Koh-Lanta. Ah ouais, oui, très bien. Ouais. Le métis. En fait, la femme, elle a fait une réflexion comme quoi il était beau gosse, tout ça. Du coup, l'homme, bim, complètement jaloux, il s'en est pris violemment à elle. Il l'a plaqué sur le canapé. Je te jure un truc de ouf. Elle, du coup, elle s'est défendue en lui fracassant un verre à vin sur le crâne. Oh mais non. Du coup, double hospitalisation. L'homme pour une blessure à la tête, sa compagne à la main. Vraiment, ça a fini en drame et la femme va même comparaître en février prochain devant le tribunal correctionnel de Quimper pour violence volontaire sur conjoint avec arme. Non, délire mais, ou pas? Mais surtout, je suis en train de penser à un truc là. Je suis en train d'imaginer l'audience devant le juge. Mesdames, messieurs, les juges ont attribué leur note technique. Pour le coup de verre à pied sur la tête, c'est un 4. Oui, c'est tellement ça. J'achète. Ouais, bah écoute, on prendra des nouvelles de ce couple évidemment parce qu'on est inquiet. Hein. Oh bah ou pas peut-être, hein, qu'on peut les laisser dans leur délire, hein, je sais pas. Non. Bon, on voulait parler avec vous de la dernière fois où vous avez grave flippé parce qu'on a vu cette vidéo. Alors la vidéo, c'est juste une espèce d'équipe de plongeurs qui plonge dans l'océan dans une cage à requins. Oui. Donc le mec est dans la cage à requins. Il y a un requin blanc, je pense. Hein, c'est un requin blanc, il me semble. Hein, c'est un requin énorme qui attaque la cage et qui se retrouve dans la cage avec le plongeur. Oui, c'est ça. Ce qui est un truc de ouf. Bon, finalement tout est bien qui finit bien. On voit le requin qui arrive à sortir de la cage et le plongeur s'en sort sain et sauf. Mais du coup, on s'est dit, le gars. Ben déjà, s'en sortir de ça, tu dois te sentir trop en confiance en toi, quoi. Ouais, j'avoue, je sais pas comment tu fais, mais moi surtout, alors je sais que c'est un peu mon kiff, moi, les requins, je les aime bien, tout ça, mais la cage, pas du tout. La cage, ça m'angoisse, et là, il avait l'air tellement excité, le requin, je sais pas comment tu te remets d'une peur comme ça. Ouais, c'est clair. L'enfer. Du coup, on s'est demandé quelle était la dernière fois où vous aviez grave flippé, 01-42-48-5000, hashtag le night show, ça marche aussi. Marion, c'était quand la dernière fois, toi? Alors moi c'était tout récent, c'était dimanche, tu sais, on est allé au Stade de France là pour l'événement Danone. Ouais. Et comme on était hyper en retard avec Amir et il y avait Thibaut dans la voiture aussi. Et ben là, Amir s'est mis en mode pilote de Formule 1. Je te jure, c'est vrai, il a fait des slaloms et tout, c'est pas bien. Franchement, je valide pas du tout ça, mais sur le périph' et tout. Des slaloms avec le clignotant et à 70. Non mais arrête tes conneries, mais c'est surtout que voilà, on a essayé d'éviter des voitures, machin, de prendre les bonnes sorties. Honnêtement, Thibaut, tu me dis si je me trompe, mais on a eu peur. Oh, j'étais pas bien, je faisais pas j'étais le mal. J'étais pas bien. Et franchement, je veux plus que tu recommences ça, retard ou pas. La sécurité, c'est le plus important. La sécurité, c'est le plus important. Bah oui, sans déconner. Au pire, on aurait raté l'événement, ça aurait été dommage, mais enfin quand même. Mais chouchou. Attends. Marion Gagnon là, dans le coin. C'est qui m'a dit Amir, vas-y, fais le pilote. Ouais, alors pour moi, j'imaginais pas ça quand je t'ai dit ça. Hein. Je t'ai dit, vas-y, conduis bien, mais je pensais pas qu'on allait frôler la mort 4-5 fois quoi. Thibaut, moi j'avais l'impression qu'on avait un aileron à l'arrière de la caisse, que t'avais des mitaines, que tu tenais le volant comme ça et qu'on était dans le taxi quoi. Et alors tu sais, Thibaut, il osait rien dire. Il était derrière, tétanisé sur son téléphone. Et moi j'étais là, bah Amir. Et Amir, bon bah voilà, il était concentré, hein, fallait pas lui parler donc non, et j'ai eu peur. Plus jamais. Ouais, mais t'es pas rentré au Stade de France, mec. Donc, non, sans déconner. Et franchement, faites attention sur la route. C'est hyper dangereux. Ouais, je sais que parfois, on a l'impression qu'on va rater notre vie si on rate un événement. Mais non, c'est juste notre vie qu'on peut bousiller. Alors attention. M'excuse. Mais oui, c'est vrai. Merci, Amir. On a Alex de Toulouse qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir, Alex. Bonsoir, salut Marion, salut Enzo, salut la famille. Bon, ça va, toi? Ça va très bien, et vous? Bah oui, très bien. Dis-nous, c'est quoi l'événement qui t'a fait grave flipper là, ces derniers temps? Alors, moi, ça n'a rien à voir avec le requin, rien à voir avec les animaux, mais tout autant flippant. Alors, je vous explique, je suis parti en vacances en Thaïlande avec mes copains, là, il y a un mois. Et il paraît que la Thaïlande, c'est réputé pour les femmes de joie, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je suis parti m'amuser avec l'une d'entre elles. Arrivé au moment fatidique, il s'est avéré que ce n'était pas une femme. Et là, grosse flip. Ah bah oui. Ah ouais, d'accord, tu t'es retrouvé avec un homme. Exactement, je pense que là, je me suis bien fait avoir par un bon ladyboy. Mais ils préviennent pas avant, je veux dire, je sais pas. Non, ils préviennent pas du tout. Alors là, je me suis vraiment fait avoir, mais comme un bleu. En plus, elle était vraiment trop belle, quoi, la femme. Et puis quand je suis arrivé au moment venu, là, j'ai vu le braquemar et là, j'ai fait oh là là. Mais ça doit être très chelou, mais j'avais vu un reportage, ils avaient fait un super reportage dans cet A8 il y a très longtemps sur les ladyboys. C'est hyper impressionnant, la beauté. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Tu sais pourquoi? Les hommes là-bas sont extrêmement fins, ils ont les traits fins du visage, tout ça, et c'est assez à s'y méprendre quand ils se transforment. Ah ouais, c'est fou. En Thaïlande, j'en ai vu, et c'est vrai qu'ils sont super belles. Ah oui, on ne sait pas quoi dire. Vous êtes très jolies, monsieur, dame. Ouais, elles sont vraiment très jolies. Oui, mais alors. Et là, grosse flip au moment venu, je commence à. Il y avait des petites caresse gentille. Et là, oh là là, j'ai senti t'as vraiment fait quoi, alors que je n'allais pas sentir. Eh bien, au moment de la caresser, on s'est allongé, enfin, on allait faire notre petite affaire. Et puis là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais oui, mais tu lui as dit quoi, tu lui as dit quoi après? Ah, mais c'était compliqué. Déjà, au niveau du langage, c'était compliqué. Alors, je lui ai dit non, désolé. Enfin, j'essaie de m'exprimer un peu en français, un peu en anglais, mais ça a pas. Je pense que il ou elle a compris. Je sais pas comment dire. Ouais. Mais ouais, moi, je me suis fait une grosse flip. Quoi, et ben, ça t'apprendra à aller faire ce genre de truc là-bas. Tout à fait. Voilà. Bien fait. Merci de nous avoir appelé, Alex. On t'embrasse. Il y a pas de souci. La famille continue à nous faire rire. Vous êtes super. Bisous. Anne-Sou, on t'a pas demandé, toi, le truc qui t'a fait flipper ces derniers jours. Ben moi, c'est un truc qui m'a fait flipper et qui continue à me faire flipper parce qu'il y a deux semaines, je suis rentrée chez moi et j'ai perdu mes clés. Oh. Donc, j'ai les clés de chez moi, les clés du bureau ici, les clés de tout, en fait. Ah et oui. Je ne les ai pas retrouvées. Donc, du coup, je pense les avoir laissées sur la porte d'entrée de chez moi. Ouais. Et qu'un de mes voisins me les a récupérées parce que je suis quand même rentrée chez moi avec ces clés-là. Bah, donc, elles sont forcément quelque part. Et donc, du coup, à chaque fois que j'entends du bruit le soir quand j'entre à la maison, bah, j'ai l'impression que c'est un voisin qui rentre chez moi. Ou, tu vois. Donc, je flippe, en fait. Je vis dans une espèce de flip continu, quoi. Ouais. Enfin, en même temps. T'es rarement seule chez toi en ce moment. Babeur. Non, ne mens pas c'est... à la France. Bah si, franchement, si, en ce moment, c'est le désert de Gobi. Oh non. Si, bah si. T'as passé des week-ends un peu mouvementés. Ouais, bah il y a longtemps, mais il y a deux semaines. Bah, c'était la semaine dernière. Non, mais pas le week-end dernier. Et donc, du coup, je flippe un peu. D'accord. Et tu sais que t'as une assurance, tout ça. Tu peux faire marcher tout ça. Oui, mais je. Ah ouais, bon mais c'est pas ça qui lui fait peur, en fait. Ou alors, s'il faut qu'elle change toutes ses clés, quoi. Ouais, je vais pas changer mes clés. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui a son double. Donc oui, elle parce se que dit, t'as peur que quelqu'un entre chez toi là. Bah oui. Bah oui. Et bah, t'appelles ton assurance et tu te fais faire rembourser le serrurier. Ah bon, toi, j'ai le droit de faire ça. Oh là là. Tu veux pas le faire. Ouais. Vas-y, Amir. Allez, s'il te plaît, Amir. On en reparlera en antenne. D'accord. Il y a Juliette de Toulouse qui est avec nous. Bonsoir, Juju. Bonsoir, Marion. Bonsoir, Anso. Ça va, Juju? Oui, ça va très bien, oui. Bon, alors, qu'est-ce qui t'a fait peur, toi? Eh bien, écoute, moi, c'est un petit peu comme Anso, justement. Moi, mon mari, en ce moment, il vendange. Et il vendange la nuit. Donc, il est parti. Moi, je pensais qu'il avait pris ses clés. Puis, en fait, il a oublié ses clés. Donc, à 4h du mat, j'entends frapper au volet de la chambre. Donc, là, je sursaute. Et puis, j'entendais, il faisait tout doucement, « C'est moi, c'est moi !» Et je ne reconnaissais pas la voix, mais du tout. Je pensais que c'était le voisin qui avait un problème ou quoi. J'ai ouvert la fenêtre, je disais, mais c'est qui? Je reconnaissais toujours pas la voix. Donc, j'ai été choper, en fait, mon fils, il adore jouer aux gendarmes. J'ai chopé le faux flingue, voilà, en plastique. J'ai ouvert le volet tout doucement, j'ai dit, je suis armée, c'est compliqué. Et puis là, j'ai vu, en fait, que c'était mon mari. Je me suis dit, mais ça va pas, mon petit spec, quand même. J'ai eu la frousse de ma vie. Ah ouais, il a dû tellement se marrer aussi. Lui, il s'est marré, ouais, mais pas moi. Tu m'étonnes. Belle histoire en tout cas. Et est-ce qu'après il s'est fait pardonner ou pas? Oui. Lendemain, j'ai eu un méga bouquet de fleurs. Et ben voilà. T'as tout gagné. Voilà, ça c'est un mec classe. C'est toujours ça. Voilà. Bon, et ben merci ma belle. On te fait de gros bisous. Gros bisous. Bisous Juju. Ciao. Salut, j'ai un petit jeu pour vous, l'équipe. Ça s'appelle Tu flippes ou pas? Je vais vous poser des questions. Vous allez me dire si vous flippez ou pas. Moi j'adore jouer. Allez, je vais commencer par Enzo du standard. Tiens. Ta meuf tombe enceinte. Tu flippes ou pas? Ah oui, de ouf. Ah oui. Ah ouais? Ah non, oui, je pourrais jamais assumer ça, moi. Mais c'est un bébé. Il flippe de voir sa gueule, surtout. Non, c'est méchant. J'avoue, j'ai peur. Anso, tu te retrouves nez à nez avec un lion. Tu flippes ou pas? Ah bah ouais, il y a moyen, ouais. Avec un lionceau, non, j'aimerais bien. Ouais, tu kiffes un peu, mais tu flippes. Hein. Ouais. Thibaut à l'aria. Ouais. Tes potes t'offrent un saut en parachute. Tu flippes ou pas? Alors ouais, c'est sûr, je flippe. Mais comme ils l'ont payé, machin et tout ça, je le fais quand même. Mais je flippe de fou avant d'y aller. Bah moi je le fais pas. Parce que moi c'est un objectif que j'ai depuis l'année dernière. Je veux le faire avec Marion. Jamais. Je veux absolument l'emmener faire un saut et qu'on saute toutes les deux. Elle le fera jamais. Mais si. Si je la pousse. Ouais. Ou que si Amir me prête ses sourcils pour amortir le choc. Je vous emmerde. Merci. Hey, tu crois vraiment? Vas-y. Amir, t'es à un concert, le chanteur te demande de le rejoindre sur scène, genre Maître Gims. Tu flippes ou pas? Oh, certainement pas. Ah, t'y vas? Ah, je monte direct. Ouais. Ok. Je m'en fous, je connais personne dans la salle. Yannick du standard. T'es dans un hélicoptère et le pilote s'endort. Tu flippes ou pas? Bah oui, je flippe. Alors lui, il nous fait une syncope. Il a des hauts de cœur, je suis sûr. Non, mais surtout que ce soit un Mac dans n'importe quel véhicule, même une voiture, peu importe le chauffeur, peu importe le truc, t'as peur. Dans l'hélicoptère, disons qu'il n'y a pas d'arbre tout de suite, quoi. Ouais, mais tu tombes. Ouais, mais attends, t'as vu tout ce qu'il y a comme bouton et tout? Bah oui. Ouais, mais nous, on joue avec le manche. Et t'es seul avec lui, quoi, c'est chaud. Ouais. Pour tous les garçons de l'équipe, tiens, Jean-Marc Morandini vous contacte pour un casting. Vous flippez ou pas? Non, non. J'y vais serein. Et moi, je flippe pas parce que, à mon avis, le mec, il referait pas deux fois la même connerie. Enfin, pardon, 25 000 fois la même connerie. Ouais, arrête. Amir, ta meuf commence à se laisser pousser les poils sur tout le corps. Tu flippes ou pas? Bah non, parce que je la largue. Ok, sympa, je retiens. Anso, tu reçois un appel en masqué en pleine nuit. Tu flippes ou pas? Bah oui, enfin de toute façon je réponds pas quand c'est un appel en masqué moi généralement. Et c'est souvent urgent la nuit. Ouais. Enzo du standard, tu découvres ta meuf au réveil pas coiffée sans maquillage, tu flippes ou pas? Non, elle est canon. Le matin elle est belle ta meuf Enzo? Très très jolie. Non, c'est vrai, hein, elle a l'air naturelle. Pour l'avoir vue plusieurs fois, franchement, je pense que c'est une belle fille. Yannick du standard, tu apprends que Quick, McDo, Burger King et Pizza Hut ferment. Tu flippes ou pas? C'est ça, non? C'est pas bien, ça. C'est une vraie question. C'est pas bien. Et oui, je flippe. Bah oui, moi aussi, j'aurais flippé. Thibaut, on t'enferme dans un coffre de voiture, tu flippes ou pas? Ah putain, ça, je peux pas. Eh, mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a des gens qui payent pour vivre une expérience comme ça? Ouais. Bah attends, vous avez jamais voyagé en coffre d'une voiture, vous? Non, mais moi, j'ai mon pote qui s'est fait séquestrer une fois. C'est pas marrant ça. Mais je vous assure. Et il s'est fait choper par des mecs et ils l'ont foutu dans le coffre et ils l'ont mis dans un champ. Ah, c'est terrible, le pauvre. Non, mais aux États-Unis, sans déconner, il y a des gens qui ont envie de vivre l'expérience du kidnapping et donc ils payent pour un truc et tu sais pas quand est-ce qu'ils vont venir dans l'année et t'as des mecs qui viennent te récupérer chez toi, qui te foutent dans un coffre et qui te font vivre une expérience, mais de ouf. Hein. Et tu signes une décharge en fait pour ce genre de choses. C'est terrible. Bon, on est bien en France, hein, du coup, quand même. Oui, là on est d'accord. Anso, tu découvres que Wacha n'est pas chez toi en rentrant. Tu flippes ou pas? Ah, bah de ouf. Bah, je t'explique. Mais cela dit, ça m'arrive tellement souvent de rentrer le soir et de la chercher pendant 1000 ans. Oui, c'est vrai. Mais elle a le droit d'aller faire sa vie, de faire un petit tour dehors, non? Mais comment tu veux? Elle sort pas la journée. D'accord. Elle sort que quand je suis là. Enzo. Ouais. Tu croises les sourcils d'Amir en pleine nuit, seul. Tu flippes ou pas? Ah ouais, de ouf. Bébé. Est-ce que un jour, vous pouvez me rendre un service? Oui. On pourra inviter une fille de l'atelier du sourcil dans l'émission. Ah ouais. Et elle me refait mes sourcils. Bah, mes sourcils, quand même, pas mes cheveux. Bah non, mais elle va pas te faire un sourcil hyper fin. Bah non. Non, mais elle m'aurait fait des sourcils stylés, bonhomme, propre. Oui, Enzo. Non, mais ils peuvent sûrement faire des épaississages, je sais pas. Oui, un truc pour désépaissir, un extenso ou je sais pas. Ouais, par contre, je suis pas sûr que ça s'emploie, hein, des épaississages. Pas sûr non plus, ouais. On verra ça, Amir. Nicolas de Tours est avec nous. Bonsoir, Nico, à Tours, ça va? Ça va et vous? Salut, toi. Comment ça va, la team? Ça va, Enzo? Ça va, Marion? Ouais, au top. Ça va. Alors, raconte-nous. Et les sourcils, surtout, comment ça se passe, Amir? Franchement, lâchez-moi avec mes sourcils ce soir. C'est vrai que ce soir, c'est chaud. Parti, vas-y, on t'écoute, mon pote. Ouais, donc voilà, moi, je suis Nicolas, 24 ans de Tours, du coup. Et en fait, il m'est arrivé un truc de fou, en fait. C'est assez flippant. En gros, j'étais avec ma copine dans les bois. On se baladait en forêt, tranquille et tout. Mais... Et on a entendu un bruit, un truc bizarre, quoi. Et en fait, on s'est retourné, il y avait des sangliers qui nous pourchassaient, ouais. Ah, ça, c'est vraiment méchant, des sangliers. Ah ouais, c'était fou. Du coup, bon, ça va, on connaissait un peu le coin, quoi. Il y avait un lac juste à côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à courir comme des fous. On a sauté dans le lac, mais en mode tout habillé, quoi. Et, à la chance, ils nous ont pas suivis, quoi. Ah bah oui, heureusement. Mais pourquoi? Mais je savais pas que ça pouvait poursuivre comme ça, moi. Ah si, quand ça charge, c'est ultra violent. Moi, je sais ce que mon père chasse un peu. Ah oui. Il chasse parfois sanglier. Et mon frère a eu un grave accident de voiture avec un sanglier aussi. C'est pas marrant, mais. Bah non. Non, c'est juste la voiture qui était morte. Mais pourquoi le sanglier lui a coupé la route? Il lui a coupé la route. Et en fait, le sanglier était mort sur le coup, mais mon père, non. Comme c'est un chasseur et qu'il a ça dans le sang, ils ont découpé le. Enfin, c'est ça qu'il était mort quand même. Hein. Mais du coup, ils ont récupéré la bête. Ah non, mais moi. Ils l'ont bouffé? Non, on l'a mangé après. Ça, c'est méchant, chat. T'es pas sérieuse, t'as pas mangé le sanglier que vous avez buté? Bah, on l'a pas tué, attends, il s'est suicidé sous les roues de la voiture. Enfin, d'accord, mais bon, de là à le récupérer et le couper. Bah, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai découpé, hein. Oui, c'est ton papa. Je tenais juste la torche. Eh, c'est Michel. Dangereux, hein, sanglier, dehors. C'est quoi? C'est dangereux. Bah oui, ça charge. Ah oui, c'est dangereux, ouais, c'est dangereux. Chaud. Ah bah écoute, si tu t'en es sorti comme ça dans le lac, après coup, je pense que t'en rigoles. Ouais. Ah ouais, j'en rigole, mais après, je me disais que c'est pas plus dangereux que les sourcils d'Amir, mais après. Hey. Hey, quand ils vont charger ton boule, tu vas voir. Nico, t'es au top, on te fait de gros bisous. Allez, je vous embrasse, la team, continuez comme ça, bisous, ciao. Bisous Nico, ciao. Pépère, bonsoir. Bonsoir les gossesses. Dis-nous, est-ce que toi, t'as déjà flippé pour quelque chose ou pas? Bah Pépère, lui, il a trop flippé la première fois, mais mère lui a dit je t'aime, hein, oui. Bah c'est mignon ça, Pépère. Bah non, Pépère, il veut pas aimer, hein, il veut que sucer, sodomiser ou voilà, pas aimer quoi. D'accord Pépère, ça marche Pépère. Ouais. Merci Pépère. Attends. Je sais pas qui le... C'est la chute ça? Bah oui. Oui. Bah, ça va, il a fait pire quand même. Ouais, ouais, franchement, celle-là était quand même pas mal. Hein. Elle passait bien. Elle est restée avec nous. Dans un instant sur Fun Radio, c'est l'incroyable talent qui va débarquer. Marion et Anne-Sor, funradio.fr si vous avez du talent. Et pour le son, c'est Sia sur Fun Radio. De la soirée Sia sur Fun Radio, on aime. Marion et Anso. Le Night Show. Du dimanche au jeudi, 22h minuit sur Fun Radio. Marion et Anso, c'est tous les soirs le Night Show en direct du dimanche au jeudi. Vous savez qu'en plus, avec Marion, comme on est des bonnes pattes, on vient vous chercher à la sortie du Bahut. Ça s'appelle Marion et Anso Opération Bahut. Si vous êtes à Paris, on vient vous chercher le jeudi. On fait une activité avec vous et on vous emmène assister à l'émission. Et si vous êtes en province, on débarque le vendredi pour passer un moment sympa avec vous. Vous nous faites découvrir votre ville. Et je pense que ce sera en province la prochaine. On va faire ça juste après les vacances. Parce qu'on n'oublie pas que les vacances, c'est jeudi soir. Oui. Donc juste après, hop, on va débarquer n'importe où en France et à Navarre. J'ai hâte. Donc si vous voulez vous inscrire, marionetanso@funradio.fr ou alors sur Twitter, hashtag marionetanso, opération Bahut. Fun Radio. Un incroyable talent. Pourquoi ce Bahut? Je sais pas, je trouve ça plus marrant. Bahut. Ah bon? Bahut. D'accord. Non, c'est vrai, ça fait mignon, non? L'incroyable talent. Ça marche pas partout. Elle est pas de H, elle est con, elle. Oui, c'est vrai. Bon, le fun à l'incroyable talent, vous vous inscrivez aussi par mail. Hein. C'est toujours le même marionetanso@funradio.fr. Si vous avez du talent, quel que soit le domaine, nous on prend. Et si vous êtes bon, vous venez tout frais payer dans les studios de Fun. On rappelle que Marion est à la recherche de quelqu'un qui fait des claquettes. Hein, voilà. Depuis quand même un petit moment. Non, des claquettes. Des claquettes. Pas de H. Hein. Ah, oui. On joue avec Laura. Laura de Brest ce soir. Bonsoir Laura. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va Bichette? Oui, ça va. Est-ce que c'est toi qu'on a souvent sur Twitter? Oui. Ouais, je vois tes tweets passer, t'es trop une beurre. Je sais déjà ton talent. Oui. Tu chantes? Oui. Alors, est-ce que tu as déjà chanté dans des occasions particulières, Laura? Non, jamais. D'accord. Donc, c'est une grande première dans toute la France. Oui, voilà. Oui, mais globalement, tes proches, tes amis te disent que tu chantes bien. Bah oui, mais sinon j'aurais pas fait, oui. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'as préparé pour nous ce soir? Love Yourself en français. Ah, c'est joli. Justin Bieber, c'est notre morceau préféré avec Marion. Ah oui. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il paraît qu'après, t'as des surprises pour nous. Oui. Bon, eh ben écoute, on va commencer avec Justin Bieber, traduction française. J'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Je sais pas ce que ça va donner. Surprends-nous, ma belle, on t'écoute. D'accord. Je ne voulais pas écrire de chansons. Ne crois pas que ça me touche. Je voulais éviter, mais tu ne fais que m'appeler. Et moi, j'ai décidé d'avancer. Tu devrais en faire de même. Ne garde pas trop d'espoir, car tu devrais savoir. Ah, franchement. Eh, hey, mais c'est joli ce qu'il dit, en fait. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est toi qui l'as traduit, Laura, ou t'as trouvé les paroles traduites? Non, j'ai trouvé les paroles sur Internet. D'accord. Bah, t'as un joli brin de voix. Oui. Merci. C'était cool. Hyper joli. Et il paraît que donc, tu as préparé une surprise pour Anso. Oui. Et pour Pépère. Oui. Alors, on va commencer avec Anso. Okay. Parce que Pépère, d'accord, j'ai l'impression que ça va être le meilleur pour la fin. C'est quoi cette surprise, Laura? C'est quoi le thème? C'est sur ton célibat. Ah. Bah oui, c'est vrai que j'ai l'impression que ça préoccupe les Français. Belle surprise, j'adore. Ok, bah écoute, on t'écoute, vas-y. Anso, pour moi, t'es comme une sœur. Je ne comprends pas pourquoi t'as toujours pas trouvé l'âme sœur. Depuis que je t'écoute, je me trouve moins bête. T'es trop une belle, j'espère qu'on guérira ton diabète. Ouais, ça, ton chat, c'est un gentil chat. Eh ben, c'est effectivement un gentil chat, ah, mon chat. Ouais, ouais. Ah, j'ai bien aimé, parce qu'elle a parlé du diabète, du côté beurre. C'était pas mal, hein. Bon, bah, c'est tout ce qui résume la vie d'une petite femme, hein, finalement. D'accord, bon, bah, ça, on a entendu. Et alors, sur Pépère, qu'est-ce que t'as fait? Alors Je l'ai fait, là. Ouais, ouais, alors déjà, Pépère, t'es là? Oui, je suis tout ouïe. C'est la première fois qu'on chante une chanson pour toi, Pépère, non? Bah oui, c'est une belle éloge. Hein. Eh ben, écoute, elle l'a écrit. J'ai très peur parce qu'elle est toute jeune. J'espère que ça va être soft. On t'écoute, chérie. Chaque soir, j'attends Pépère. Quand j'entends sa voix, je ne suis plus moi. Je me dévoile, deviens folle, mon cœur s'accélère. Pour toi, Pépère, je serai ta chevalière. Pépère, c'est comme un grand frère. Ah ouais? Ah bah ouais, ça va, c'est ouais, soft. Ah oui, c'est ça. Mais t'as quand même oublié de dire que tous les soirs, je démontais des culs, moi. Hein. C'est ma fonction principale. Là, Pépère est comme un grand frère. Ok. Ouais. Ouais. Je sais pas si vraiment la majorité des enfants seraient plutôt à l'aise avec un grand frère comme ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse, puisque Pépère, Laura a écrit une chanson pour toi, j'aimerais que tu improvises une chanson pour Laura. Ah ouais. Oui. Ah bah oui, vas-y. Ah oui. Alors, attention chez vous, dites-vous que Pépère est actuellement mal à l'aise. Oui, bah Pépère déteste improviser. Ouais. Alors, attention. Attention, Pépère, va pas trop loin. Hein. Laura, quand je te vois, j'ai qu'une envie. C'est t'embrasser et te chérir. Mais j'ai aussi envie, c'est te toucher le bas-trou. D'accord. Ok, il a une petite réverbe sur la fin, ouais, Pépère. Ouais. Évidemment, c'est faux, Laura. Il n'a pas, oui, pas cette envie-là. T'inquiète pas, ton bas-trou est en sécurité. Bon, hey, Laura, en tout cas, tu as une super jolie voix. On va voter, merci, on va voir ce que ça donne. Il te faut les 5 oui pour venir là, tout frais payé dans les studios de Fun. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, on y va. Enzo. Yes. Thibaut. Oui, j'ai adoré. Amir. Oui, oui et oui. Anso. Oui, évidemment. Marion. Clairement, si je dis non, je passe pour la méchante, là. Ah bah oui. Bon bah oui. Laura, c'est gagné. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Bah bravo, bah oui, il y a de la créativité, il y a de la mignonnerie, là, on veut, tu en voilà, et il y a une jolie voix, donc forcément c'est oui. Puis bon, comme on t'a proposé de te toucher baltrou, ouais, on avait envie de désamorcer. Voilà. Bon bah chérie, toi et ton baltrou, on vous attend là, dans les studios de Fun. Dès que vous pouvez, d'accord? D'accord. Laura, on t'embrasse très fort, ma chérie. Gros bisous, je vous aime fort. Bisous, nous, sur terre. Oh, ouais. Et t'es en train de pleurer, là? Bah oui, c'est mon rêve de venir vous voir. Oh, bébé. Bon bah ça fait plaisir. On a hâte de te voir. Bisous. D'accord. Bisous, chérie. Trop mignonne, elle. Ouais, trop chou. J'adore. Continuez à vous inscrire pour le Fun, un incroyable talent. Marion et Anso, @funradio.fr. Et dans un instant, ça y est, il débarque. On l'adore, on le connaît bien. C'est Dylan Del Rey, le youtubeur, ouais, qui cartonne. Il a des vidéos à 2 millions de vues. Oh là là, business, business. Il sera notre invité si vous avez des questions. 01 42 48 5000. Ce sera juste après Calvin Harris. Oui, je sais pas ce que je suis. Alors, je pars dans tous les. Et Calvin Harris, business, business. Oh là là. To say, at least I did in my way. I way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Il est 22h41 et ça y est, il vient d'arriver le youtubeur Dylan Del Rey là les gars. Ouais. Dylan. Bienvenue. Je connais pas ce mec. Ah oui, je sais. Il nous fait honte tout le temps. C'est vrai. Ça va? Mais ça va et vous? Bah ça fait plaisir, il est déjà venu plusieurs fois, on l'adore, ouais. Franchement on le suit depuis un moment. Bah ça y est, j'ai signé un contrat avec vous là, ça. Ouais, c'est vrai, tu as ton badge maintenant. Hein. Non mais en même temps, et franchement, le gars, 540 000 abonnés, enfin presque. Normalement on devrait les atteindre dans la soirée, puisqu'il t'en manque, elle est quoi, une soixantaine? Il m'en manque 100... Alors attendez, le compteur est devant les yeux, il la en pression. Manque... Oula. 153. Ah, 153. Eh bien, montrez-vous, auditeurs de Fun Radio, que vous êtes une sacrée gentille bande 152. De communauté. Voilà. Et pas à chaque fois, mais 152. Ah, ben, voilà. Et tu sais quoi, quand tu les as, musique de la joie, on fait la fête, champagne, la totale. Et, mais juste, on se disait, la première fois que tu es venu nous voir, tu avais combien d'abonnés, toi? Alors, c'était en octobre dernier. Ouais. Ça, eh ben, ça va faire un an, en fait. Ouais, c'est ça. Je disais moins d'un an, mais si, ça fait un an. J'étais à 140 000. T'imagines? Putain, c'est un truc de ouf. Hein. Tu vois, il est venu nous voir, le succès. Boula. Non, mais franchement, bravo à toi. Il cartonne, il vient de sortir une nouvelle vidéo, ça s'appelle Les potes relous. Ouais. Bon, bah, vous avez compris dans le titre, hein, le petit profil de tous les potes bien relous et déjà 340 000 vues en une journée. Ouais, ouais, c'est vachement bien. Exactement. Ah ouais. Ça cartonne. Marché, là, pour l'instant. Ouais, même celle d'avant, hein, j'ai vu sur l'iPhone 7. Elle avait fait 360 000 en une journée. Et là, elle est à 700 000, quoi. Ouais, non, mais c'est ma période, tranquille. Ouais, il est bien. Donc, si vous avez des questions, là, 01 42 48 5000 et dans un instant, l'instant, on va jouer ensemble. Ouais. Tu fais bien d'en parler. On a Ludovic qui avait une question pour toi. Il habite, je vais essayer de vous faire deviner sa ville. Mmh. Bonne mère. Bah, c'est où? Marseille. Bah, ouais, voilà, Marseille. Tu fais mal l'accent. Ludovic, bonsoir. Bah, quand même, les gars. Bonne mère. Bah, oui, parce que. Alors, oh putain, bonne mère. Magnifique accent, hein. Oh, putain, ça va, Ludovic. Prononcé de ouf son accent. Salut, les filles, salut à toi, Dylan. Salut, mec, ça va? Ça va, au top. Je suis super heureux de t'avoir. Là, de te parler, c'est. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Tant que t'es pas supporter de l'OM, ça va. Oula. Oh. Bah, il l'est, je pense. Hein. Franchement, là, tu touches un point fort, hein. Ouais, bah, c'est obligé. Donc, il appelle de Marseille. Tu supportes qui, toi, Dylan? Moi, je suis pour Lyon, moi, évidemment. Ah oui. Oh là là. Il non, en mais faut ça va, ça va, on s'échange nos joueurs, mec. je t'ai filé Gomis, ça va. Non, t'inquiète. T'avais une question hors foot ou pas? Oh oui, hors foot, oui. Complètement. Vas-y. Alors, c'était pour savoir si, grâce à YouTube, tu chopais plus ou moins ou tu chopais pas du tout. Bah, d'ailleurs, je pars 10 minutes en avance, les filles, parce que j'ai un gros rendez-vous avec une meuf tout à l'heure. Non, sérieux? C'est totalement faux. Non, non, c'est même le contraire, en fait. C'est mais même pourquoi le contraire. C'est parce qu'en il fait. Il a un rendez-vous avec un mec? Non, mais non. Non, mais a priori, il chope moins depuis non, ouais, qu'il je est connu. Chope moins avec YouTube, effectivement. Mais pourquoi alors? Je comprends en pas. En fait, avant, j'arrêtais vraiment pas de choper des meufs et. C'était chiant parce que j'ai envie de me poser moi en fait en soi. Mais avec YouTube c'est un peu plus compliqué parce que j'ai moins le temps de consacrer du temps tout bêtement à une meuf. Oui c'est vrai. Mmh. Et puis il doit y en avoir qui sont un peu intéressés. Tout ça c'est plus compliqué à rencontrer je pense les ouais, filles sérieuses. Ouais mais grave. Ouais. Mmh. D'accord. Bon bah tu vois. Voilà Ludo si tu veux choper de la meuf bah, ne te lance pas dans, après, le, dans la Tinder vidéo. Vas-y tu peux aller liker des meufs sur Tinder si t'es YouTuber ça marche bien. Ah oui c'est vrai. Bon, Tinder, non, tu sais, ça marche bien, quoi qu'on fasse comme métier, hein, je pense. Ouais, pour une meuf, ça marche bien, ouais. Ouais, ça marche pas mal. Voilà, Ludo. Et merci beaucoup, en tout cas, pour ta réponse. Et je voulais juste te dire, je kiffe ta dernière vidéo et continue ce que tu fais du bon contenu. Bah, merci, frérot, ça fait plaisir. Et allez, l'OL, hein. Allez, l'OM, ouais. Et continue les feats avec Tim, c'est top. Yes, ah, merci, oui. Frérot. On t'embrasse, Ludo. Ciao, bonne soirée. Bisous. Si comme Ludo, vous voulez poser des questions à Dylan, et ben vous nous appelez dès maintenant 01 42 48 5000. On fera également un point via Twitter. Oui, parce qu'on n'est pas du tout fermé à tout ce qui est réseaux sociaux. Allez-y et puis continuez à suivre Dylan pour qu'il arrive à atteindre 540 000 ce soir dans l'émission. Il en manque 105. Ça va le faire. Allez-y, on revient tout de suite sur Fun Radio, bougez pas. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 32 28. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 32,28, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio et Soirée Fériaux présente la nouvelle édition de l'Halloween Festival. It's Halloween. En direct de l'île de loisirs de Jablinanet. Un nouveau site exceptionnel situé aux portes de Paris. Lundi 31 octobre, venez vivre le plus grand Halloween de France avec les DJ Fun Radio Florian Picasso et Maëva Carter. L'Halloween Festival 2016 de Soirée Fériaux avec Florian Picasso et Maëva Carter en direct de l'île de loisirs de Jablinanet aux portes de Paris. C'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Infos et réservations sur halloweenfestival.fr et funradio.fr. The radio of the Chainsmokers is Fun Radio. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You'll know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need one dance. Got an Hennessy in my hand. Time for I go, higher powers taking a hold on me. I need one dance, got Hennessy in my hand. One more time for I go, higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. attention from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que we win. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one day. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yeah. The Night Show. Avec Marion et Anso. The Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Avec Dylan Del Rey, notre invité, le youtubeur ce soir. Continuez à aller vous abonner à sa chaîne. Il faut qu'il atteigne les 540 000 abonnés ce soir. Il lui en reste environ 65 là. Exactement. Allez, on est bien. Possible. Normalement, d'ici 10 minutes, c'est réglé. Et je voulais te faire un petit jeu, Dylan. Ah. J'ai vu sur ta chaîne que l'une de tes vidéos les plus populaires, c'est sur les morts les plus bêtes. Exactement. Les 13 morts les plus insolites de l'histoire. Elle est très marrante, cette vidéo. Elle a fait je sais pas combien de millions de vues. 1 900 000 à peu Bravo. Près. Bravo. Du coup, je vais te proposer des morts débiles et tu devras deviner si elles sont vraies ou fausses. Est-ce que tu es prêt? Ah, je suis chaud. Le vrai faux du Night Show. Évidemment, on a le droit de jouer, nous aussi. Ouais. Oui, vous avez le droit parce que lui, il s'est documenté. Donc, à mon avis, il va être bon. À Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans c'est une bouche d'égout. Pour récupérer ses clés. Exactement. Et c'est vrai. C'est-à-dire que le mec met sa tête dans une bouche d'égout pour récupérer ses clés et il meurt noyé. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est mon père. Pauvre mari. Arrête. Ah non, mais c'est terrible quand même. RIP papa. Ça me fait peur parce que le gars est vachement calé sur les morts, quoi. Ouais. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé pour on ne sait quelle raison, sauf que accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a rapporté. Donc, il lance le bâton de dynamite, le chien hyper dressé va chercher le bâton, le ramène au maître et le bâton explose. Et c'est totalement vrai. Bah, c'est dans ma vidéo et d'ailleurs, j'ai mis quelle tristesse pour le chien, mais le mec franchement, il est complètement con. Bah ouais, franchement, débile. Et ben c'est vrai. Ouais, c'est je sais, nous, les amis, non, mais des surtout, animaux. Ce qui me fait beaucoup plus de peine, c'est pour le chien, quoi. Je sais, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, justement. Affreux. J'en parle et j'ai plus de peine pour le chien que pour le mec en soi. Quoi. Parce que le mec, il a tué son chien involontairement, en fait, aussi avec. Horrible. Il me crève tout seul, quoi. Mais non, il a rien demandé, quoi. À Chicago, une femme de 21 ans serait décédée après avoir refusé de faire tourner par SMS une chaîne à tous ses contacts. C'est faux. Mais oui, c'est faux. Tu sais, mais moi, tu sais que quand je vois les trucs sur Twitter, là, si tu retweets pas 7 ans de malheur, Arthur, j'hésite parce que je vois 50 000 retweets. Je me dis, c'est pas possible qu'il y ait 50 000 cons qui aient fait ça, quoi. Mais attends, mais le pire, c'est que Yannick, au standard, avait reçu une chaîne comme ça. Genre, si tu la remachines pas, tu meurs. C'est sa mère qui lui a envoyé. Ouais, c'est sa mère. Ah ouais. Mais moi, Marion, elle m'a montré, son père, il a fait la même chose sur WhatsApp. Bah oui, je sais, mais parce que t'as toujours le doute un peu. Ouais, je sais pas. Et il y a de la prémonition aussi là-dedans, genre RT ou t'auras pas ton bac. T'as masse de gens qui retweetent par comment ça s'appelle superstition. Superstition, ouais. Prémonition, rien à voir, quel con celui-là. Il y a ça et RT où tu ne serras jamais dans tes bras ton idole. Je le vois passer de ouf celui-là. Mmh. T'as pas vu? Très triste. Mais bien souvent, c'est pour un panda moqueur. Hein, ah, vrai ou faux, Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Le SAMU ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffée. Sa gorge de la saucisse? Eh ben, c'est totalement vrai par contre. C'est vrai, en gros, il a avalé une saucisse de 15 cm dans sa gorge. Excusez-moi, mais cette personne ne mâchait pas? Bah, je sais pas ce qu'il a fait. Il avait très faim. Viens manger avec moi, tu vas voir comment ça se passe. C'est horrible. C'est quand même, tu gobes pas comme ça une saucisse. C'est surtout que le SAMU. Ça dépend pour qui. Hein. Ils ont essayé de le retirer comme ça. Et impossible, quoi. Le pauvre homme, il était mort. Oh, c'est triste. C'est dur. C'est mort quand même de. Enfin, c'est complètement con de mourir en. En mangeant une saucisse. Un truc qui fait super plaisir, quoi. C'est vrai. Quand tu manges. C'est le meilleur moment de ta vie, presque. Enfin, de ta journée. Et tu crèves à ce moment-là. C'est chiant. Moi, je préférerais finir ma bouffe et mourir juste après, à la limite, tu vois. Ouais, au moins, t'auras kiffé, ouais. Ouais, voilà. Exactement. Une femme est morte en glissant sur une peau de banane. Sa tête est tombée trop fort sur le sol. Non. Ah, c'est possible. Oui, c'est arrivé. Ouais. Ah, moi c'est j'aurais horrible. Dit non, parce que ça paraît trop simple pour être vrai. Si, c'est déjà arrivé. Ça glisse vraiment une peau de banane. Hein. Ouais, je sais. Moi, un jour, j'ai glissé sur une feuille de chou quand je travaillais à Carrefour, dans la réserve. C'est vrai. J'ai failli m'exploser le crâne, oui. Cela dit, c'est quand même plutôt drôle. Glisser sur une feuille de chou. En fait, personne m'a vu à part la caméra de surveillance, donc ça va, tu vois. Il y a des vidéos de ça ? Ouais, mais je me suis senti tellement con. Genre après ça, j'avais un frisson froid, genre putain, mais j'ai cru que j'allais mourir en fait. Tu sais que si tu ressors ces vidéos un jour, tu fais un buzz. Ouais, ouais. C'est génial. Ouais, mais attends, je les ai pas, c'est sur les caméras de surveillance. Ah ouais, mes anciens patrons. On peut dire que Dylan est tombé dans les choux. Ouais, ça marche. C'est bien. C'est long. Et ce qui me fait le plus mal, c'est quarantaine. Dylan disait à Enzo, vas-y, lance-toi sur YouTube. Bah non, mec, te lance pas. À Philsburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. C'est faux. Non. C'est vrai. Faux. Quoi ? Le mec a voulu retirer le soutif, sauf qu'il s'est étouffé avec la bretelle. Ok, bah, je prépare un deuxième top sur les morts, manifestement, parce qu'il y a de quoi alors. C'est énorme, hein ? En le mangeant ? C'est ouf. Oui, enfin, il s'est étouffé. Je pense pas qu'il a mangé la totalité du soutien-gorge, mais une partie de la bretelle l'a étouffé. Ça n'a aucun sens. Bah écoute, j'y peux rien, moi, pauvre homme. D'accord. RIP. Un homme de 26 ans est mort en faisant un barbecue. Lorsqu'il a allumé le charbon, ses sourcils ont pris feu. Amir, on t'a cramé. Ce soir, je prends cher. Non mais en vrai, fais attention quand t'allumes des feux, tout ça, on sait jamais. Ah mais tu sais que je me suis déjà brûlé la fin du sourcil ici. Bah oui. Avec, vous avez déjà eu les grands briquets là, super grands. Ouais. J'ai joué avec ça, ça m'a brûlé le sourcil. Mais tu sais qu'il y a des très très grands briquets, genre en forme d'allumette géante et tout, ouais. Mais qui font des toutes petites flammes, ça sert à rien. Ah mais du coup ça me prends cela, t'évites. Excusez-moi, vous voulez pas en parler hors antenne. Si, si. Il a raison, il lui donne des conseils. Mais pour le coup c'est faux pour la mort qui. Ah bah oui c'est faux, ouais, évidemment. C'est totalement faux. Oui évidemment. Et franchement bravo, c'était presque un sans faute. On a encore de la question pour toi, Dylan. Il y a Noah qui nous a appelé. Bonsoir Noah. Bonsoir. Salut. Salut. Ça va Noah? Ça va et vous? Bah ouais très bien. T'avais une question pour Dylan? C'est ça. Eh ben vas-y. C'est quoi ta plus grosse gaffe que t'as fait dans ta vie? Alors, ma plus grosse gaffe, c'est... Pas facile hein, comme question. Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Bah hein. Oui. Je suis un grand gaffeur. Mais je crois que c'est quand j'ai fait la boulette, la meuf d'un pote à moi, enfin sans faire exprès, j'ai fait des allusions. Parce qu'en fait, lui, il trompait sa meuf. Oula. Et je l'ai grillé totalement devant sa meuf en fait. Non arrête, t'as fait ça, t'as balancé en fait. Non, ouais, non ouais, mais involontairement. Ouais. Genre elle était à côté, mais c'est limite, elle était invisible, je l'avais pas vue quoi. Ah c'est dur ça. Ouais c'est chaud. Et ouais. Du coup elle l'a largué. Ils sont plus ensemble, c'est génial. Ouais. Et je l'ai chopé après. Du coup je l'ai chopé derrière. Non mais ça c'est une des plus grosses gaffes que j'ai dû faire récemment ouais. Et genre ton pote il t'en a voulu ou pas? Bah, il ferme sa gueule, il a qu'à pas la tromper, il est con lui aussi. T'as pas tort. C'est pas de ma faute moi. C'est pas faux, mais en règle générale, tes seuls alliés dans ces cas-là, c'est ouais, tes potes. Ouais, mais en soi, ça me grattait parce que bon, ça fait chier de cacher ça. Surtout quand je m'entendais bien avec la fille. Oui. Ouais, c'est vrai. Je suis avec juste bon, après, alors partons sur l'honnêteté. Voilà. Voilà. Ouais, non, mais honnêtement. Ah putain, c'était une sale gaffe quand même. Voilà, Noah, les trucs à ne pas faire. Juste, il y a moyen de négocier un petit pack fan ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. On t'envoie ça. Ok, merci. On t'embrasse, Noah. Bisous. Bisous. J'aimerais faire un point sur le nombre d'abonnés de Dylan. On est à combien ? Dis-moi tout. J'ai envie de savoir si on s'approche du Graal. Je vous rappelle qu'il doit passer les 540 000 abonnés sur sa chaîne Dylan Del Rey ce soir. C'est l'objectif. Il lui en manquait une bonne centaine. Et là, oulala, il lui en manque. Oulala. Il y en a un qui vient de se barrer. Et je t'ai vu, hein, reviens. Ouais, il lui en manque 24, c'est ça ? 24 ? Ouais. Ouais, exactement, 24. Normalement, dans 5 minutes, 23. C'est plié. 23. Tu vas les avoir. Oh là là là là. Et dès que tu dis ça, c'est incroyable, ça fait. Ouais, sur mais t'as vu, il y en a un autre qui s'est barré là, à l'instant. Non, il en manque. Ouais, t'as 20. Vu, il se barre. Il en manque 20. Okay. Allez, il les gars. En manque mais ils font exprès, les gars, arrêtez de vous barrer. Il en manque 20. Bon, tu sais quoi, on va les laisser s'abonner tranquillement. Dylan Del Rey, c'est sa chaîne. En attendant, on va jouer ensemble. J'aime beaucoup ça. C'est une de mes vidéos préférées sur ta chaîne. Tu as fait le Essaye de ne pas rire challenge. On est d'accord ? Ouais. Le principe, vous vous mettez en gros de l'eau dans la bouche. Exactement. Et le premier qui rigole défonce l'autre avec toute son eau, quoi. Hein, c'est ouais, ça ouais. Du coup, Pour ta venue, on a décidé de rendre hommage à cette vidéo et de refaire ce challenge. Tu vas affronter Anso. Donc, les bichons, vous allez vous lever tous les deux là. Ok. Je vais te donner mon casque, ce sera plus facile pour toi, je vais prendre le tien. D'accord. Vous allez vous mettre face à face. Ok, on est 140 000. Ah oui. Ah ouais. Eh bien joué mon pote. Je vous aime. Bravo, vous êtes forts les auditeurs de Fun Radio, vous kiffez. Yes, vous déchirez. Alors, pour fêter ça, tu vas t'installer là-bas. Tiens, prends mon casque, je prends le tien, comme ça, on s'organise. Alors, du coup, il faut qu'on soit face à face avec Dylan, hein, c'est ça, hein. C'est ça, vous vous mettez face à face. Moi, je vais vous diffuser des... Tu t'en sors avec mon casque ou pas? Ouais, ah oui, alors ça demande un petit peu d'installation, vous auditeurs de Fun Radio. Un peu d'installation. Alors attends, parce que lui, il écoute pas fort du tout, il faut absolument que je monte le son. Ah ouais, c'est mieux là. Ah mais toi, vraiment, t'as une parfaite audition. Hein. Donc Dylan, il est debout là, ça y est. Ouais, ils c'est ça, on est debout face à face. Face à face. Moi, je vais vous proposer des extraits, je vais vous proposer plein de choses. Vous allez vous mettre de l'eau dans la bouche. Et mais le c'est but... de l'eau gelée? Non, si, ça si, va. Si, elle est gelée. Hein. Attends, tiens, poursuis la petite. Alors, le but, évidemment, c'est de ne pas rire. Parce que comme. J'ai tellement déjà envie de me marrer. Comme c'est un enfer. Ils vont ça avoir. Ça sert à rien, ton bavoir. Il y a Enzo qui vient de mettre un bavoir. Je veux pas ton truc. Comme ils vont avoir de l'eau dans la bouche, le premier qui va se marrer va arroser l'autre. C'est ça. Attends, okay. Tu me dis quand même mettre de l'eau dans la bouche. Alors, attention. On est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, eau dans la bouche. Premièrement, les amis. Pour le Essaye de ne pas rire challenge, bah, on va commencer à jouer avec des rires. Vous allez écouter des rires atypiques. Essayez de ne pas rire, regardez-vous face à face, écoutez. Ouais. Oula, par contre, quand vous crachez, vous crachez à fond. Pour l'instant, ils tiennent. Ça va, Anso tient, Dylan aussi. C'est bon, premier extrait, c'est passé. Attendez, cette eau est beaucoup trop froide. Moi, j'ai l'émail des dents qui pète. Ouais, mais bravo Anso, parce que t'as bien tenu. Elle a quand même rigolé, mais elle a réussi à contenir son eau. Je valide. Mm-hmm. Extrait numéro 2, là, c'est un Mexicain qui a un rire lui aussi très étrange. Écoutez. C'est ce qu'on appelle le doublé gagnant. Oh. Les deux ont ri en même temps et se sont arrosés. Moi, je suis noyée, moi. Ah, non, vous êtes beau là. Mais c'est un gros porc à moustache là qui explose de rire sur un plateau télé. Oui, je l'ai vu. Excellent le mec quoi. Elle est très drôle celle-là. Tiens. Allez, on reprend de l'eau les bichons. Ah putain. Eh, franchement, vous êtes pas loupés. Anso, elle en a plein le visage. Parce que je suis trop petite. Alors là, je vous emmène dans une émission célèbre qui s'appelle Motus. Approchez. Où un candidat très classe a choisi de jouer avec un mot plutôt sympa. Hashtag pervers, écoutez. Vaginal. V-A-G-I-N-A-L-E. Elle ah, c'est bon. Non, ils rigolent, mais ils avalent. C'est bon, elle pas résiste, mal. Attends, il faut que je reprenne. Non, mais c'est l'épée. Enfin, c'est quand il a épelé le mot et le titutut, ça me fait trop rire. D'accord. Bah écoute, si tu as tenu, c'est le principal. Je vais vous proposer un. Allez, une quatrième séquence. C'est visuel cette fois. Est-ce que vous êtes prêts? Les gars, il y a deux personnes qui viennent de rentrer en costume de zèbre avec un cow-boy qui lui court après. Et forcément, ils ont rigolé les deux. Moi, j'ai pas rigolé. C'est Anso. Anso, elle a craché. Oh, pardon, mais c'est plus craché dessus sur elle que sur moi. J'ai craché sur moi. Magnifique. Le cow-boy est torse nu avec un gilet de sauvetage, je sais pas pourquoi. Il courait après un zèbre. Ça n'a aucun avec sens. Avec un bruit improbable. Encore un. Allez, la dernière, elle va pas être évidente, surtout pour toi, Anso. On a un personnage dans l'équipe, il s'appelle Pépère. Il a des bonnes blagues. Ouais. Et là, Pépère, tu vas leur proposer une blague. Essaie de les faire rire, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est l'histoire de deux caca qui font la guerre et qui rencontrent une diarrhée. La diarrhée dit : je peux venir ? Ah ben non, ça y est, c'est pour les durs. Ça a craché partout. Elle est pourrie cette jeune. Mais je crois que c'est le mot diarrhée. Non mais attendez, parce que là ils sont trempés. Dylan, il est souillé. Il est souillé le gars. Aussi, hein, ça sent la. Fois, prévenez-moi que je prenne. Qu'on amène des serviettes au pauvre Dylan, s'il vous plaît. Viens, viens t'asseoir, bichon. Il est complètement souillé, le pauvre. Eh, franchement, bravo, vous avez été fort. Et Dylan, il sait mieux se contenir que Anso. Je tiens à le préciser quand même. Hein, non, mais surtout. Franchement, vous verrez sur la vidéo sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Je vous invite à voir ce cow-boy en gilet de sauvetage. C'est absolument n'importe quoi. Bon, restez avec nous si vous voulez poser des questions à Dylan. 01 42 48 5000. Et dans un instant, Dylan, tu vas faire le pourquoi tu m'appelles. Oui. Tu le connais, ça, à l'instant où tu dois rendre fou les gens en disant pourquoi tu m'appelles. Et puis, bah, vous, on vous attend. Hashtag le Night Show. Continue à suivre Dylan sur sa chaîne YouTube. Mm-hmm. Et pour le son, tout de suite, c'est The Parakeet sur Fun Radio. About to land. After years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. 23h05. Dylan Denray est toujours avec nous. Il a carrément passé les 540 000. Là, on est vers les 541 000. Bravo à tous les auditeurs de Fun. Franchement, vous montrez que vous êtes forts. Oui, nous sommes sur l'autoroute du million. Voilà, il va jouer au Pourquoi tu m'appelles face à moi, je pense, dans un instant. Ah oui. Puisque c'est toi qui as mangé. Chacun son tour. Hein. Exactement. Et il y a Thomas de Rungis qui a une question pour toi, Dylan. Bonsoir, Thomas. Salut Marion Anso. Salut toute l'équipe. Et salut Dylan. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Très bien, très très bien. Alors vas-y. Vas-y, j'avais une question pour toi, c'était quel youtubeur te fait fantasmer? Fantasmer me fait kiffer en vidéo ou une fille que je trouve super? Bah une fille que tu trouves super sur YouTube quoi. En termes de travail ou en termes de physique? Oula, bah je sais pas, comme tu veux. Non, en termes de physique, j'ai l'impression que Thomas est un gros pervers. Sinon les deux. En termes de travail, ça va être Natou, je la trouve géniale. Ouais. Et en physique, ça va finir dans Closer demain. Ça. Il y en a beaucoup des jolies quand même. Hein. Ouais. Emma, Cup Cup, Enjoy. Je suis pas fan des youtubeuses beauté en fait. Ah d'accord, t'es plus dans l'humour. Ouais. Ah, dans l'humour, il y en a un peu moins pour le coup. Ouais. Andy raconte, il y en a plein. Hein, mais Andy, je la trouve super jolie. Ouais, elle est belle. Mais alors, une grosse opposée et personne n'est jamais d'accord avec moi, je trouve Clara Chanel magnifique. Ah oui, beauté là pour le coup par contre. Ouais. Bah si, elle est très belle Clara. Ouais, elle est très belle. Elle est belle, ouais. Enfin, en général, les gens pensent pas directement à elle. Il y a beaucoup, bah les jeunes, ils vont souvent vers Danae. Ouais. Vers. Oui, c'est vrai. Mais. Ou vers Enjoy Phoenix et tout ça. Non, moi, non. Pas ouais. De, voilà. Et alors, dos ou pas déjà avec Clara? Ah mais j'ai fait l'amour 6 fois hier. Non, absolument pas. On est amis. D'accord. Voilà Thomas, tu sais tout, petit chat. Ça marche, merci. Et Marion, je peux faire une petite dédicace, s'il te plaît? Oui, vas-y. Un gros bisou à Marie. Voilà. Ok, court efficace, on t'embrasse. Bisous. Voilà, merci, bisous. Bisous. On a Paola de Bordeaux aussi. Bonsoir Paola. Salut l'équipe, salut Jeanne. Salut. Hello. Alors moi du coup je voulais savoir quels étaient tes objectifs après YouTube. Si tu comptais faire de la radio ou de la télé. Bah écoute, la radio à la base c'était mon objectif premier, même avant YouTube. Et ouais. Déjà, je veux pas qu'il y ait d'après YouTube. J'aimerais pouvoir faire YouTube jusqu'à ce que je sois sur mon lit de mort. Bon, évidemment, c'est sans doute impossible. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est vidéo vlog du papy à l'hôpital. Bah pourquoi pas? Il y a un créneau. Ouais. Non, mais de la radio ou du cinéma. Voilà. Le cinéma me fait kiffer à mort, mais la radio, ça reste mon rêve de gosse. Disons que c'est un bon terrain d'entraînement YouTube parce que tu joues mine de rien. Ouais. T'apprends quand même le métier un peu même si t'es jamais un vrai comédien parce que bon. Ouais, en soi, tu prends en aisance aussi. Parce ouais, c'est que, ça. Par exemple, ce qu'il y a de chaud dans la radio, c'est la timidité. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que t'es derrière un micro, donc tu ne vois pas visuellement les gens, mais YouTube t'entraîne à être plus à l'aise avec le contact. Ouais, donc, c'est vrai. Forcément, pour la radio et pour la scène ou tous ces métiers-là, et bah ça facilite la tâche. Voilà, bah multi-casquette, c'est un couteau suisse en fait, Dylan, Paola. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Mais en tout cas, continue comme ça, Dylan, et merci. Ben merci, je t'embrasse très fort. Bisous. Oui. Allez, bisous. Un peu, je suis désolé. C'est pas grave. Bon, Dylan, est-ce que tu es prêt à m'affronter au pourquoi tu m'appelles ? T'es qui ? Tu qui ? Je vais te laminer. Ok. Pourquoi tu m'appelles ? Non, mais vous n'avez rien à foutre, quoi. Je me lève demain matin, je travaille, moi, merde ! Allez, c'est bon, ça me touche, raccroche, là. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Si vous découvrez cette émission ce soir, le pourquoi tu m'appelles, je vous explique le principe. Il faut appeler au hasard en France. Vous pouvez jouer chez vous d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Ouais. Soyez polis parce qu'on n'est pas là pour embêter les gens quand même gratuitement. Il faut dire pourquoi tu m'appelles, essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc là, je vais affronter Dylan. Est-ce que tu m'autorises à commencer, Dylan ? Histoire et que tu vois combien sûr. Je fais. Ok. Bien et bien c'est parti. Alors j'ai pas de stratégie, il faut que j'improvise là. Ouh là là. Est-ce que tu peux juste placer un mot pour moi ? Oui, vas-y, dis-moi. Tu vas devoir placer le mot cucurbitacé. Oh non, mais j'arriverai jamais à le dire. Mais je sais. Oui, allô ? Allô ? Oui. Oui ? Pourquoi tu m'appelles ? C'est vous qui venez de m'appeler. Quoi ? C'est vous qui venez de m'appeler. Mais attendez, madame, mademoiselle, je sais pas, il y a mon téléphone qui vient de sonner. Ah, bah elle est bien aussi, c'est pas une erreur alors. Vous habitez quelle ville ? Parce que je commence à en avoir marre de ces histoires, moi c'est pas la première fois quand même. Bah écoutez, je sais pas, mon téléphone vient de sonner, donc j'ai décroché tout simplement. Mais alors, c'est pas vous qui avez appelé pour l'achat d'un cucurbitacé ? Ah non, pas du tout. Non, parce que j'en vends, alors je me dis c'est peut-être ça, mais alors je comprends pas. Quelqu'un m'a fait une blague, on a peut-être mis mon numéro sur le bon coin, mais enfin si vous me dites que vous êtes bonne foi, je ne sais plus qui croire. Ben non, moi j'ai pas cherché à vous vendre, je ne cherche à acheter rien du tout, désolée. D'accord, donc vous n'avez pas d'autres chats à fouetter comme ça que d'embêter les gens, madame, hein ? Ça c'est votre Allez. Hobby, c'est ça ? Bonne soirée. Ouais, c'est ça, mais tu sais quoi, t'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. Voilà, c'est elle est partie là-dessus. Mais c'est quoi cette punchline ? Mais c'est la punchline Brise de Nice, quoi. Super. Bah oui, bah, je voulais faire une dédicace parce que j'adore, je suis fan et le film... Et bientôt sorti. Tout à fait. Cucurbitacé, donc, hein, t'as bien réussi à le placer. Mine de rien. Bravo. J'ai quand même tenu. Bravo. Combien de temps ? Une minute et une seconde. Oh la vache. Pas mal, une minute et une seconde. Hein. C'est pas dégueulasse. Bonne chance, Dylan. On appelle au hasard en France. Très sympa, cette petite voix douce. Moi, je mise sur Dylan ce soir. Moi aussi. Ah. Je crois que j'avais gagné au Nouvel An, je me souviens plus. Oui, il me semble que t'as gagné. Ouais. C'est possible. Oh, bah, j'en suis sûr. Une 30, un truc comme ça. Bon, bah, l'autre, il se rappelle de tout. Allô ? Oui. Allô ? Oui. C'est qui ? Attends, tu déconnes là, c'est toi qui m'appelles et tu me demandes qui je suis ? Pardon ? Mais pourquoi tu m'appelles ? Allô ? Oui. T'es qui ? Mais c'est toi, t'es qui ? Tu m'appelles, je sais pas qui tu es, pourquoi tu m'appelles ? Mais j'ai pas appelé. Je comprends pas un foutu mot de ce que tu racontes. Pourquoi tu m'appelles ? Mais c'est toi qui as appelé. C'est pas toi qui a essayé de joindre ma femme hier matin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allô ? Allô ? Tu m'entends bien ? C'est qui ? Qu'est-ce que tu faisais là à l'instant ? Tu m'entends ? Allô ? Oui. C'est qui ? T'es exceptionnel comme garçon, dis-moi. Non, tu m'as dit qui tu es. T'es limité à 140 caractères comme Twitter parce que j'ai l'impression que tu sais pas dire grand chose. C'est quoi ça ? Oui ? Tu m'en fais chier, je suis en train de m'endormir. Non, c'est pas une voix d'un mec qui dort ça, c'est un mec glauque qui va aller tuer des gens. C'est. Allô ? Tu n'as rien à faire que. Bah c'est toi, tu m'appelles, t'as rien d'autre à faire. Fais pas genre que tu dormais. Moi j'ai appelé. Oui, tu m'as appelé, oui, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Mon téléphone a sonné, je décroche, j'entends « Allô ?» Bah évidemment, je me demande qui tu es. Et tu ne me reconnais pas. Bah non, je ne te reconnais pas. Pablo Escobar, c'est toi ? Oui. Allô ? Oui, c'est Pablo Escobar. Mais c'est excellent, mais il a changé de voix d'un coup, le type. Et tu ne le reconnais pas ? Moi, j'ai reconnu, hein. Non. C'est Squeezie. Non, mais c'est qui ? Bah mec, c'est quand Tim. Même. Bah c'est oui, Tim. C'est Tim. Ah putain, petit con. Ah le prank. Attends, mais et Tim, qu'est-ce que c'est que cette voix que t'arrives à nous faire ? Mais ouais, mais là, je l'ai jamais entendu faire cette voix-là, c'est assez incroyable. Je suis devenu viril. Mais attends, non, mais le gars, putain, alors, il est muet. Nous on lui a dit, parce qu'évidemment on avait prévu le coup de te piéger, on lui a dit écoute essaye de changer un peu ta voix, ça va pas être facile et tout, mais bluffant quoi, il nous a fait une voix de 40 piges avec un petit accent par moment. Mais alors du coup j'ai gagné ou j'ai pas gagné, est-ce que c'est chiant là, c'est de la Et ben il a fait combien de temps ? Il a fait 1 minute et 23 secondes. Ça compte pas. Ça compte pas, mais je dirais que tu ne l'as pas reconnu, donc c'est perdu. Parce que franchement, j'ai pas reconnu, gros. Bon, ça va, Tim, ou quoi? Ouais, tranquille, et vous? Bah ouais, très tranquille. Bien, faut que tu viennes nous voir, toi aussi. Hein. Oui, je vais venir. Mercredi, on arrive. Non, je Bravo, mec, pour la vidéo avec Dylan, là, les deux dernières. On a kiffé, franchement, vous cartonnez. Ouais. Merci à vous. Du lourd, et puis bah tu passes dans cette émission quand tu veux, t'es le bienvenu. Exactement. Allez, on te fournit un badge. On t'embrasse, Tim. Bisous. Bisous, frérot. Bon, et franchement, bravo Dylan quand même, parce que face à une personne comme ça, un peu de marbre, un peu pas très polie, t'as quand même tenu la conversation et tout, c'était bien. Enfin, j'ai lâché pas mal de. De tenir un maximum de temps, mais putain, j'ai pas reconnu Tim, quoi. Ça. Franchement, il est hyper fort. Est-ce que t'arrives toi à modifier ta voix comme ça? Ouais, je peux prendre un. C'est dur, moi j'arriverai pas. Anne-Sophie fait la petite fille. Salut, moi j'aime bien les gros zizi, tout ça, tout ça. Elle m'avait manqué cette voix. Bon, mon pote, merci d'être venu. C'était énorme ce soir. 540 000 abonnés, il les a passés en live dans le Night Show. Bravo, on peut l'applaudir quand même. Bravo! Bravo! On va continuer à te suivre, à aller voir toutes tes vidéos, tu déchires et tu sais que tu repasses dans cette émission avec Tim, sans Tim, avec qui tu veux, t'es le bienvenu, t'es chez toi, t'as ton badge, ok? Bah, ça fait plaisir, vous m'aviez grave manqué, franchement. Toi aussi, t'as vu, t'es sec, je t'avais dit que tu serais sec pour ta soirée. Et ouais, parfait. Presque, pas sec du tout. Je peux juste passer un petit message? Bien sûr, vas-y. Déjà, je voudrais remercier tous mes abonnés de me suivre parce que voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est tous ensemble. Et ça me fait énormément plaisir et je voudrais faire un gros bisou spécial, je fais jamais dédicace, j'en ai jamais fait, mais à Camille, Jeanne, Marjorie qui m'écoute, et à Jordan, un de mes meilleurs potes qui doit être sans doute derrière son appli ou je ne sais où en train d'écouter. Okay. Et ma maman que j'aime très fort aussi qui écoute. Comment elle s'appelle, maman? Sabrina. Sabrina, vous êtes. Je t'aime, maman. Votre fils, c'est un beurre et puis c'est tout. Ouais, on vous embrasse, Sabrina. Bon, Dylan, on t'embrasse et tu reviens quand tu veux dans le Night Show, carrément. Merci. Bon, vous restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. On vous a trouvé le top 15 des conseils à donner aux mecs qui vont faire leur première fois. C'est un truc qu'on a vu sur Topito. On voulait en parler avec vous si vous avez des conseils ou si vous voulez nous décrire en un mot comment s'est passé votre première fois. Ça peut être marrant. 01 42 48 5000, hashtag le Night Show. Et pour le son, tout de suite, c'est Soprano. On écoute En Feu sur Fun Radio. Bisous, Dylan. Bisous. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir, tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir, je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir, je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Sur Fun, il était l'invité de Bruno ce matin. C'était chanmi. Ouais, c'était hyper cool. Ouais, allez voir leurs vidéos sur la chaîne YouTube. Les nôtres aussi avec Soprano. On avait mis Enzo dans un sauna. C'était hyper drôle. Marion et Anso, c'est la chaîne YouTube. Mais là, tout de suite, on a trouvé un truc intéressant. C'est en fait les conseils. Alors, c'est Topito qu'on embrasse qui ont sorti ça. Parfois, ils font des trucs intelligents. Parfois, ils font des tops un peu décalés. Ouais. Mais là, c'est plutôt pas mal. C'est le top 15 des conseils à donner aux mecs qui vont faire leur première fois. On le fera pour les filles aussi, ils ne l'ont pas sorti encore, mais il y a plein de conseils à vous donner pour vous les filles. Mais là, je trouve ça intéressant. Vous allez me dire, les garçons, si c'est des conseils qui auraient pu vous servir à l'époque ou pas. Déjà, ne pas trop y penser toute la journée. Alors ça, c'est vrai, mais je trouve ça difficile parce que quand même, tu sais que tu vas faire ta première fois. C'est dur de se l'enlever de la tête, quoi. Ouais, mais enfin, après, ça dépend si c'est prévu ou pas, quoi. Oui. Si c'est pas prévu... Ça va, mais si c'est prévu, t'es obligé, même quand t'es une fille, t'y penses toute la journée, non ? Mais il faut éviter de se faire la scène plein de fois dans sa tête, de l'idéaliser, tout ça, tu comprends ? Ouais. Il faut se dire, bon, ok, je vais y aller ce soir, mais j'y pense pas, je me vide la tête, comme la veille d'un examen, en fait. Comment c'était pour vous, les garçons ? Vous y avez pensé toute la journée ou pas ? Ouais. Non. Bah, je pense pas, parce que ça s'est fait naturellement pour vous, non ? Enfin, c'était pas prévu, surtout, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de penser à ça, quoi. Et bah, tu vois, ça, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Moi, c'était pas prévu aussi, donc. Tu as pas pensé toute la journée non plus ? Non, bah, je pensais que. Enfin, je savais pas que ça allait être la première fois. Mais c'est quand même bizarre de planifier cet acte. Tu vois, tu peux pas dire à l'avance, bon, on s'envoie un texto. Si, dans une heure, on fait l'amour, t'es pas. Si. Les plus jeunes, ils savent que, voilà, ils en parlent entre eux, ils savent qu'ils vont se donner rendez-vous un week-end et que ça va venir. C'est normal, t'as pas forcément d'endroit, donc t'es obligé de t'organiser un peu, quoi. Voilà. Deuxième conseil, ne pas te stresser pour savoir si tu vas être un bon coup. Je vous explique, vous allez de toute façon être mauvais. C'est sûr, vous ne pouvez pas être bon la première fois. Du coup, votre partenaire non plus sera pas bon. C'est les premières fois de tout le monde, sauf si vous prenez quelqu'un de 10 ans de plus qui a grave d'expérience, mais enfin c'est quand même rare. Ouais. Donc pensez pas à ça, c'est une mauvaise idée. Faire simple, un peu comme dans les films. Des baisers, des mains qui se baladent, des affaires qui s'envolent doucement, des préliminaires, une pénétration, une jouissance. Simple, efficace. On va pas chercher à imiter du porno, on va pas chercher à faire des trucs comme ça. Non mais même, surtout, des préliminaires, c'est pas mal aussi hein, pour le début. On peut y aller par étapes, quoi. Exactement. Ah bah, il faut d'ailleurs. Hein. Ah bah, c'est sûr. Ne pas jouir avant la pénétration, sinon il faut tout recommencer. Bah oui, c'est dur. Mais ça, c'est vrai que, voilà, il faut apprendre à se gérer soi-même. Mais c'est compliqué de maîtriser ses émotions, de surtout maîtriser tout ça au moment de mettre la capote. C'est pas évident. Mais surtout, apprenez à mettre une capote avant, parce que sinon, oui. Première Et alors, fois. Conseil hyper important, je trouve, de Topito. Même si vous êtes stressé, c'est votre première fois, il faut être à l'écoute du partenaire. Faut pas être égoïste, se concentrer sur ses performances. Faut surtout se dire qu'est-ce qu'elle a envie, est-ce que je lui fais du bien, lui poser la question, tout ça. Ça, c'est hyper important. Mettre un slip propre et pas immonde. Les gars, parfois, vous y pensez pas. Pour nous aussi, les sous-vêtements ont leur importance. Il n'y a pas que vous là qui kiffez sur des beaux sous-vêtements. Le mieux, c'est quand même la petite douche avant. Oui, évidemment, oui, mais... évidemment. Mais bon, le slip sympa, le petit caleçon, c'est comme bien. Ça, on sent bon dans tous les plis. Oui, non mais... Merci Amir. Ah, il a raison, pour la première fois, il faut se sentir hyper clean, quoi. S'il y a le moindre malaise, t'es pas bien. Non mais c'est sûr, on fait ça, un petit boxer noir, tranquille, au calme. Mettre une capote, alors indispensable. Vous dites pas, ouais, mais ça va me gêner, c'est la première fois et tout. Non, ça, on veut pas l'entendre. Il peut se passer n'importe quoi dès la première fois. Donc on met la capote et puis de toute façon, ça vous met directement dans le bain. Vous apprenez comme ça et puis c'est cool, quoi. Ouais. Et ça gêne pas, je vous promets. Ne pas paniquer. Même si, alors c'est dégueulasse, je suis désolée les garçons, bouchez-vous les oreilles, vous aimez pas quand je parle de ça, mais même s'il y a du sang, parce que parfois hein, quand la fille le fait pour sa première fois, il y a du sang, et ben faut pas paniquer, faut se dire que c'est la nature, c'est pas grave, c'est comme ouais, ça. Enfin, on n'est pas non plus sur une hémorragie. Hein. Ça dépend des meufs. Ça dépend, Anso, il y a des filles qui saignent beaucoup, tu vois, qui voilà. Moi, j'ai fait une première fois, une fois avec une meuf, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, et elle a pas du tout saigné. Voilà, moi non plus, ouais, j'ai pas saigné. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça me dégoûte ? Rien que le mot saigner, ça me dégoûte. Ouais, bah arrête les pauvres, les filles, c'est pas grave si vous le faites. Enlever ses chaussettes, hyper important, même si c'est des chaussettes porte-bonheur, on s'en fout. Du respect pour la fille, on les enlève. Ouais. Se masturber avant, très bonne technique, mais pas trop longtemps non plus. Et pas trop tôt. C'est ça, ça va vous permettre de tenir plus longtemps si vous le faites en fait, donc c'est plutôt pas mal. On conseille environ 2-3 heures avant l'acte, la masturbation. On dirait que tu viens de faire tu viens de passer à la pharmacie. Faites 2-3 heures avant l'acte. Alors là, conseil hyper important aussi, ne commentez pas la qualité du sexe après. Je vous explique, pas de réflexion. On dit pas c'était génial, parce que là vous passez pour un con. On dit pas non plus c'était nul, parce que là vous passez pour un sale con. On dit rien du tout, comme ça vous passez pour un mec stylé, vous laissez la fille faire son idée. Oui Thibaut. Ah non, moi franchement je suis pas d'accord, je pense qu'il faut dire un petit truc, tu vois. Ouais. Moi aussi, ouais, mais non. Je suis d'accord. Petit mot. Non, pas c'était bien ou c'était nul. Tu peux dire, par contre, est-ce que t'as aimé ? Est-ce que j'ai pas été trop brusque ? Mais pas de commentaire sur la performance. Viens, on va casser la croûte. Par exemple. Non, mais un simple à refaire, c'est bien, tu vois. Ouais. Non, à refaire. Si, ou c'était bien, ou j'étais hyper contente de faire ma première fois avec toi. Ouais. Enfin, un truc doux et sympa, quoi. Ça peut être pas mal. Bon, d'accord. Ne pas dire à son partenaire que vous l'aimez, c'est la femme ou l'homme de votre vie pendant l'acte. Même si, alors ça dépend. Si vous le sentez, si l'autre est hyper romantique, pourquoi pas. Mais sinon, ça peut bloquer et faire un peu flipper. Mais d'ailleurs, pas que sur votre première fois, parce qu'il y a un mec à la radio, un pote à nous à la radio qui s'appelle Martial, qui s'est arrivé. Genre, il faisait l'amour et au moment où il a joui, il a dit à la fille je t'aime, alors qu'il aimait pas du tout. Donc contrôlez vos émotions dans ces cas-là, parce qu'il faut pas dire ça. En fait. C'est vrai, c'est important. Ne continuez pas à faire l'amour si vous avez joui. Ça, je sais que parfois vous avez honte, vous dites mince, j'ai été trop rapide, donc vous essayez de continuer. Ouais. Mais nous, on sent bien qu'il y a une tanasse de toute façon, on le sait. Et ça nous dégoûte plus qu'autre chose à ce moment-là. Donc retirez-vous, c'est pas grave, on recommence après s'il faut, mais on continue pas. Exactement. Et enfin, ne créez pas une ambiance sexy en passant du Barry White, tout ça. Ça, c'est vrai. Faites un truc naturel. Au début, ça va faire. En fait, je trouve, si vous créez une ambiance comme ça, musique et tout, ça met encore plus de pression. Ouais, je pense. Tu vois? Ça vient après, quand on est bien à l'aise. Pas les fleurs, les machins, les bougies. Vous mettez pas des difficultés, vous y allez à la cool. Franchement, très bien ce petit top, on va vous le faire tourner là sur les réseaux sociaux. Évidemment, après, il n'y a pas tout, mais c'est une bonne base. Merci Topito, oui Thibaut. Ah, je voulais vraiment vous remercier pour tous ces conseils, je vous dirai pas lequel, mais il y en a un, je le note et je vais l'appliquer. C'est vrai? Mais genre lequel? Bah non, si, dis-nous. Bon, ok, le conseil de genre, une fois que t'as fini, tu continues pas. Arrête, tu fais ça toi? Tu fais pas ça quand même Thibaut? Non, mais ça m'est arrivé une ou deux fois quoi. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible, après ça patauge et tout. Mais ça vous fait pas mal? Ça me dégoûte. De quoi? Ça vous fait mal une fois que vous avez joué de continuer à être dans la personne? C'est pas que ça fait mal, c'est que c'est désagréable. Ouais. Bah, c'est mou quoi. Il y a un mec sur 10 qui arrive à repartir. Adrien Thomas y arrive par exemple. Ouais. Ah bon? Moi je l'ai dit en émission. Toi t'arrives à repartir? Ah ouais, j'arrive à repartir direct moi. Mais en même tout de suite. Ouais, tout de suite. Ouais, mais c'est dans la tête, il faut un peu de concentration. Il faut changer de capote, ou alors si t'as fait tous les tests et que ta copine se protège tout ça, tu mets plus de capote. Je suis désolée, c'est dégueulasse, faut aller se laver quoi. Bah, ça ressemble à du lait en plus. Bah oui. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, mais en plus quand ça patauge. Bah c'est ça. Non, je suis désolée. Alors moi j'aime pas du tout ça. Je sais pas si vous le faites chez vous, mais non. C'est bon quand même. Une fois que c'est fini, on recommence après quoi. Ouais, c'est ça. Attends, laissons passer une demi-heure, trois quarts d'heure. Exactement. 01 42 48 5000, si vous deviez définir votre première fois en un seul mot, ce serait lequel et pourquoi, Marion? Oula, en un mot, je dirais étoile. Et pourquoi? Bah parce que j'étais pas du tout expérimentée. Honnêtement, je bougeais pas, je faisais l'étoile de mer et du coup voilà, je pense qu'il a dû me le dire pour me taquiner. Voilà, t'es une étoile, mais c'est normal, c'était ma première fois. Et est-ce que genre quand il te voyait, il disait genre 3, 2, 1, étoile? Mais mec, genre les biscuits de midi quoi. Tu es en train de me sortir Reichmann là? Ça fait 5 heures qu'il est sur cette vanne. Putain, j'ai fait. Vanne de Técos les gars. Vanne de Técos de ouf. Il y a Mathilde qui nous a appelé, elle habite le Muy. Oh, c'est trop mignon le Muy. Oh, merci Marion. Bah, c'était Anso, mais je prends Ah, pardon, merci Anso, excuse-moi. Salut Mathilde, ça va? Salut tout le monde, ouais, trop contente de vous avoir. Ça fait plaisir. C'est l'émotion. Bon, dis-nous, tu l'as fait à quel âge toi? Moi, je l'ai fait à 16 ans. D'accord, et alors c'était comment, en un mot? Moi, je dirais fragile. Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'en fait il a pas assuré du tout et c'est vraiment pour moi voilà un moment fragile qui peut foirer vite, il a pas su faire et Le pauvre. C'était naze. Ouais, mais c'était sa première fois aussi, non? Bah oui, mais bon, comme t'as dit, lui bah par exemple il savait pas mettre sa capote. Donc comment te dire qu'il en a percé deux, du coup ça a été long, après t'es plus dedans. Ouais, mais ça, c'est vrai que vous pouvez vous entraîner avant les garçons, mais nous les filles on peut les aider aussi, hein. Tu pouvais l'aider toi. Et il est capable ton meuf aussi. Oui. Bah oui, mais bon, comment te dire qu'avec mes ongles et tout, je préfère qu'ils gèrent tout seuls. Ouais, je comprends. Puis parfois, c'est leur business, ils vont plus vite tout seuls. Ouais. Bon, entraînez-vous, voilà. Les gars, bon conseil. T'étais amoureuse, Mathilde, ou pas? Bah oui. Ah, bon, bah donc, c'est pas un si mauvais souvenir que ça. C'était chouette de le faire avec lui. Non, franchement, non, la première fois, non. C'était vraiment. Non, c'était vraiment pas ça. Bon, bah écoute, mais ça va sinon dans ta vie, Mathilde? Depuis, ça s'est amélioré. Oui, ça, non, mais après, oui, après, ça a été. Bon, là. Voilà, on n'est plus ensemble, mais ouais, on est resté quand même plusieurs mois ensemble. Après, voilà, c'était mieux, mais c'est vrai que la première fois, non, c'est pas. D'accord. Bon, et ben merci de nous avoir appelé pour nous raconter ça, Mathilde. On t'embrasse, Mathilde. Moi, j'étais contente de vous avoir. Gros bisous, tout le monde. Bisous, ma belle. C'est trop chou, Mathilde. Ouais. Il y a Xavier aussi qui est à Cholet. Bonsoir, Xavier. Salut, Lucie. Salut, l'équipe. Salut, Xavier. Ça va, Cholet? Ça va, ça va. Bon, dis-nous, est-ce que toi, tu aurais un mot pour définir ta première fois? Animal. Oh. Ah, j'espère que c'était pas avec un félin. Non, mais c'était le même type. Raconte. Bah en fait, avec une amie, on se tournait autour depuis plusieurs mois et un coup, on s'est retrouvé tout seul dans une pièce et c'est parti d'un coup. Donc, il y a eu arrachage de vêtements et tout. Et voilà. Et depuis, elle m'appelle le Grizzly. Ah, parce que vous êtes toujours ensemble? Non, on n'est plus ensemble. On est de très bons amis, très proches, mais on n'est plus ensemble. Ouais, vous êtes des sex friends, quoi. Non, ils couchent plus ensemble. Que je suis maqué maintenant, mais voilà. Alors tu vois, le côté animal, je trouve ça vraiment très cool. Hein. Il en faut dans un couple, mais pour la première fois, c'est rare quand même. Hein. C'est la première fois que j'entends ça, moi aussi. Ouais. En général, c'est plutôt la tendresse, tu vois, tu y vas doucement, mais enfin, pourquoi pas. Ouais, mais bon, on se tournait autour depuis plusieurs moments et voilà, quand ça arrive, ça arrive. Quoi. Moi, de toute façon, je l'ai tout de suite entendu, Xavier. Dès qu'il a débarqué sur l'antenne, je me suis dit, lui, il est foufou. Hein. Ça, c'est sûr. On te fait des bisous, Xavier le foufou. Merci, bisous à vous. Bisous. Anso, tu nous as pas dit un mot pour toi la première fois, tu t'en rappelles? Mais moi, je m'en rappelle pas très bien, en fait. En ah vrai. Bon ouais. Ça avait pas, je crois que c'était sans intérêt, donc je m'en souviens pas très bien. Ah, donc c'est sans intérêt ton mot? Sans intérêt, absolument sans intérêt. Je connais plus, c'est pas. Enfin, si, j'aimais bien cette personne, quoi, mais bon, c'était sans intérêt. Voilà, d'accord. C'est tout. Amir? Oui. Un mot, toi, pour définir ta vie sexuelle? La première fois, hein. Basique, moi je dirais basique. Mais genre, c'est-à-dire? Bah, genre rien de fou, une partie, genre, m'a l'air basique, un homme, une meuf. La musique, des préservatifs, un lit, une chambre. Des sourcils. Je vous emmerde. Ça fait longtemps. Ça fait chier, ça. Ah, c'est très très bon ça. Ok, basique. Et Thibaut à l'arrêt, toi? Moi, clairement, mytho. Pourquoi mytho? Bah, parce que en gros, ça faisait quelques semaines que j'étais avec la fille et genre, je lui faisais croire que j'étais un grand habitué de la chose, que ça faisait ma millième fois et tout. Ah merde, elle s'est rendue compte de rien? Bah, je sais pas en fait, quand je me suis trompé de trou, ça a dû lui faire plus non, drôle. Non, arrête. Non, mais ça, pareil, je vous le déconseille de mentir quand même, parce qu'il n'y a pas de honte à faire sa première fois, ça sert à rien de faire croire que vous êtes un habitué. Moi, j'ai au contraire, ouais, mais du coup, tu passes pour un mauvais coup, un peu précoce et tout, alors que ça se trouve, elle pourrait être attendrie par ta première fois. Non, parce que finalement, elle l'a jamais su. Mais un jour, je pense que je vais lui dire. Parce qu'on est toujours potes sur Facebook. Bon, peut-être qu'elle s'en est doutée, hein. Je suis désolée, mais en général, on le sent. On est resté un an ensemble. Oui, Enzo. Moi, j'ai une astuce pour tous ceux qui vont faire leur première fois. Masturbez-vous avant. Comme ça, vous êtes un petit peu à l'aise. Et bim, vous y allez. Oui, bah, c'est ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Mais faut le redire. Il faut le redire. Ça marche, Enzo. Bon, bah, merci, les garçons. On a demandé à tout le monde. Non, Pépère. Pépère, est-ce que tu as un mot, toi, pour définir ta première fois? Bah, Pépère, lui, s'il avait un mot à dire, ça serait bleu. Bleu? Pourquoi bleu? T'es chelou, toi. Bah, c'est la couleur de ma bite quand elle est ressortie la première fois du coup de la petite pute que j'ai baisée. Du quoi bleu, la petite bleu. Quoi La petite pute que j'ai baisée. D'accord, mais pourquoi tout bleu? Bah, tout bleu, le sang de pépère, il circulait plus. C'était trop serré, le petit. Parce que moi j'avais sorti du cou, donc je comprenais pas du coup. Tu vois, c'est ça. Du cul. D'accord. Articule, pépère. Bah oui, mais excuse-moi, c'est ta sœur qui me donne des cours d'articulation, toi. Oh. Allez, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pokélest qui va débarquer. On va parler Fionfion aussi avec vous dans un instant. Et pour le son tout de suite, Sac Noël avec Sean Paul, c'est Trompette sur Fun Radio. Et qu'est-ce qu'on dit, Sac Noël, Marion? Bah, à l'approche des fêtes, ça tombe bien. Voilà. Merci. Merci. Tic tac, j'ai fait gimme des gimme des. Head to the floor, girl, gimme des. Bend over, girl, and gimme des. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme des. Top wine, girl, and gimme des. Body look fine, girl, gimme des. Coming out, waste some time, girl, gimme des. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. pumping's blood. Soir sur Fun Radio en direct jusqu'à minuit. Et nous ne sommes pas seuls, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup d'invités. Les gens se bousculent pour venir dans le night show. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on est des femmes charmantes et sympathiques. Je vous donne le programme. Mercredi soir dans le night show, on va recevoir Ritza, qui était passée il n'y a pas très longtemps dans l'émission. Ouais. Parce qu'on vous a fait découvrir ce nouveau morceau. Et il viendra nous en parler en live. Porto Rico, Ritza. D'ailleurs, c'était son anniversaire, on va le fêter mercredi. Évidemment, avec gâteau cotillon et chapeau pointu. Et puis mardi prochain, le 25 octobre, on recevra Amir aussi. Oh là là. Alors, tu me dis si je me trompe, mais que du beau gosse dans cette émission. C'est vrai. Il y a Youss et Hakim du Whoop qui vont débarquer aussi prochainement. Ouais, on aura aussi les Cover Garden et Youtubers aussi. Enfin, franchement, on a du beau monde. Hein. Ah bah, ça se bouscule au portillon. Du champ du Youtube, on est complet. Le Poké Lost. Poké Lost. Sur Fun Radio. Énorme cadeau ce soir à gagner dans le Poké Lost. C'est juste un truc de malade. On vous offre votre PS4. 11 jeux pour aller avec le casque VR et 2 moves. Franchement, mais c'est un délire. Le casque VR, moi, j'aurai la chance de le tester avec Anso pour la Paris Games Week la semaine prochaine. J'ai tellement hâte, il paraît que c'est dingue. Et c'est génial, moi je l'avais testé à la Paris Games Week de l'année dernière, ouais. C'était ouf. Et ils étaient venus, les gars de PlayStation, à la radio une fois où ils m'ont plongé dans une cage au requin. C'était, alors je ne vous dis que ça, c'était formidable. Hein. Ah bah franchement, si vous voulez vous inscrire et gagner ce pack complet, Marion et Anso, funradio.fr. On joue avec Marin ce soir. Tu dois avoir donc du coup tout ce qui est pied marin. Bonsoir Marin. Oh là là là là. Salut Marion, salut Anto, salut toute l'équipe. Salut Bichon, on est désolé pour cette blague. Vraiment. C'est pas grave. J'aime bien ce prénom moi aussi. Tu sais qu'un de mes premiers petits copains s'appelait Marin. Ah. Ouais, et il avait la classe, il était beau, il faisait du surf. Et vous étiez restés combien de temps ensemble? Oh, il m'a largué quoi, 2-3 semaines. D'accord, voilà voilà. Bichon, tu veux piéger qui ce soir, papa ou maman? Papa. D'accord, comment il est papa? Est-ce qu'il panique vite? Il panique vite et il est inquiet. Et comment il est physiquement, papa? Impossible. Il est célibataire ou il est marié, papa? Non, il est marié. D'accord. Avec voilà. Maman. Calme-toi. Alors, Marin, je te rappelle la règle. Tu dois appeler papa, lui faire croire que tu t'es perdu en jouant à Pokémon Go. Tu lui dis que voilà, tu commençais à chasser un Pokémon rare, que tu t'es perdu partout, que c'est la panique et qu'il faut absolument qu'il vienne te chercher. Ouais, ok. Essaye de lui donner quand même des indications géographiques. Parce que dis-lui que tu t'es perdu partout. Oui, on dit. Oui, voilà. Comment il s'appelle, papa? Michel. Michel. Oh, Michel. Oh, bah, comme le mien, dis donc. Ah, dis donc, c'est peut-être le même. Est-ce qu'il a une moustache, papa? Non. Ouais, d'accord, je m'en doutais. Allô? Allô? Allô, papa? Ouais. T'es où? J'ai un problème. C'est quoi? Tu sais, tout à l'heure, je suis partie. Ouais. Je suis allée chasser les Pokémon et là il y a des. Là je sais pas où je suis à l'autre côté de la Nière. Je t'ai interdit d'aller loin, les Pokémon il y en a partout. Il y en a au square et je vois pas pourquoi tu vas chercher les Pokémon où. Mais les Pokémon rares, ils étaient seulement là-bas. Tu es tout seul ou tu es avec tes copains de Balzac? Non, je suis tout seul. Et alors tu es parti et tu es en vélo ou tu es à pied? Je suis à pied. Il y a vraiment des gens bizarres qui me tournent autour. Tu veux bien venir me chercher? Et j'ai une question. Tu es parti, tu avais fait tes devoirs avant? Ouais. Parce que je vais vérifier avec du chorus. Oui. Hein, et si tu pars, tu vas n'importe où et en plus tu n'as pas fait les devoirs avant, eh bien, ça va choper. Hein, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Non mais je sais, mais désolé, mais il y a les Pokémon rares, il y en avait vraiment seulement là-bas. Ouais. Et ils font pas le chemin pour revenir, les Pokémon rares? Je sais pas, mais là j'ai très peur, s'il te plaît, il y a des gens bizarres. Il y a un scooter qui me tourne autour pour la troisième fois, là. J'ai peur que je vais venir le chercher. Peut-être ils cherchent les Pokémon rares aussi. Oui, bon, papa, mais c'est où t'as l'adresse? Je suis de l'autre côté de la Nière. Attends, je vais voir le numéro. Attends, je vais voir le nom de la rue. Il me faut un nom de rue et un numéro, sinon je peux pas y aller, on va se perdre tous les deux. Hein, et ouais, moi, ouais, je ne fais pas la collection des Pokémon. Attends, parce que le numéro de rue, il est complètement tagué. C'est Avenue Charles de Gaulle. Ouais, mais ça, c'est connu, au moins. C'est ouais. Avenue Charles. Et le numéro Je sais pas, il n'y en a pas trop, là. Bon. Bah, regarde, je suis en croisement avec une autre rue, mais il n'y a pas de numéro de rue. Regarde sur Google Maps. Mais je veux pas regarder Charles. Je vais faire toute l'avenue Charles de Gaulle. C'est là, mais s'il te plaît, viens vite, s'il te plaît, j'ai pas des noms bizarres. J'arrive, ne bouge pas. Et tu sais ce que tu fais, tu vas au commerce où il y a de la lumière et tout. Oui, tu te mets au coin et tu attends. Et je vais arriver, mais la prochaine fois, ça se passera pas comme ça. Oula, non, mais Michel. Allô. Michel. Oui. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, Michel, il est détente. Vous êtes avec Marine? Oui. Ah oui, tout à fait. C'est Marion et Anso. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Oh là là. Alors, je tiens à dire que Marin est un très bon acteur parce que même moi, j'étais prise là dans le. Oh là là, dans l'émotion des choses, quoi. Moi aussi. Et mais, alors, franchement, mais vous avez vraiment. Alors, déjà, on vous rassure, Marin va très bien. Oui. Tout ceci n'était qu'une blague. Vous vous êtes fait piéger dans le Pokélos. Oh il devait vous faire croire qu'il était perdu en jouant à Pokémon Go pour gagner un cadeau, mais énorme. Oui. Un cadeau pour lui ou un cadeau pour moi? Bah vous vous arrangerez. Mais alors, ok Michel, vous avez accepté d'aller le chercher, mais alors par contre, le sens des priorités, il vous dit, je suis pas bien, j'ai peur, il y a des gens bizarres, et vous lui dites, est-ce que t'as fait tes devoirs? Je vous adore, mais Michel. Oui, parce qu'il faut quand même, il fait n'importe quoi, après c'est vrai. Il table ouverte, etc. Et donc, il faut quand même qu'il prenne conscience des priorités. Et tout, bah, tout à fait, Michel. Alors, je sais pas si ça va l'aider à faire ses devoirs, le cadeau qu'on lui offre, parce que mon pote, t'es là, Marin? Oui. Eh, hey, poteau, la PS4, les 11 jeux, les 2 moves et le casque vert, c'est gagné! Génial! Eh, hey, cadeau de malade! Et Marine, papa mettra un petit contrôle quand même. Hein. Oui, oui. Non, mais dites-vous que Michel, on vient de vous faire économiser un sacré cadeau de Noël quand même. Là, ah, grave! Hein. D'accord, t'as entendu, Marine. Hein. C'est énorme, tu vas kiffer, mon pote. On veut de la vidéo, tu te filmes avec le casque, tout ça, tu nous envoies ça, oui, d'accord? Pas de problème. Allez Marin, on t'embrasse très fort et Michel, on vous embrasse très fort, vous êtes un chouette papa. Merci. Bisous. Bisous. L'Instant Yonf débarque dans un instant là dans le Night Show, on va parler avec Dorian. Dorian nous appelle parce qu'il a une nouvelle meuf. Tout se passe bien comme ça, sauf que Oli, ça va pas. Oli, elle change complètement de personnalité, la meuf. Non mais visiblement, elle se transforme, ça devient un monstre. Mais c'est énorme. Du coup, il sait pas comment faire parce que quand même, il l'aime bien. Du coup, si vous aussi, vous avez déjà vécu ça, si vous avez déjà été avec une personne qui était complètement différente de ce qu'elle est au naturel, mais Oli, appelez-nous 01 42 48 5000. Tout ça, ce sera juste après Hardwell et Jason. Alors eux, je les connais. Bah Oli, ils sont comme dans la vie. Archi cool. Ah bah oui, Hardwell avec ses platines. Détente. Et Jason avec un micro. I wake up smiling every morning. Yeah, I don't mind sleeping alone. People ask me if I don't miss you. But I ain't been thinking about all the nights we spent together. And how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know. Thinking. 23h44, on va parler cul ensemble avec un auditeur qui nous a appelé. Oui. Il s'appelle Dorian et il se passe quelque chose avec sa copine, c'est assez surprenant. Moi ça m'est arrivé une fois, je vais pas avoir beaucoup de conseils mais j'ai une anecdote pour lui. C'est du changement de personnalité hein, avec Dorian de Clermont-Ferrand. Bonsoir Dorian. Salut Marion, salut Enzo, salut tout le monde. Alors comment ça va? Ça va et vous? Eh ben écoute très bien, merci d'avoir appelé Fun là pour te confier un peu, ça fait plaisir. Bah ouais, parce que je sais pas trop comment faire en fait, je voudrais savoir s'il y en a qui sont comme moi. Alors raconte, raconte-nous Dorian, toi t'es avec une fille qui change complètement de personnalité quand vous faites l'amour, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bah ça fait pas très longtemps, ça fait 6 mois quoi. Mm-hmm. Et ouais, en fait d'habitude c'est quelqu'un de calme et posé et tout, et dès qu'on fait l'amour en fait, je sais pas, elle m'insulte, elle est énervée, je sais pas, la moitié psychopathe en fait. Et après ça se calme, dès qu'elle a joué c'est fini quoi. Mais c'est bizarre, ça. C'est-à-dire que dans la vie, elle est archi timide, enfin en tout cas posée, pas un mot plus haut que l'autre. Et dès que vous faites l'amour, par contre, elle se lâche, quoi. C'est ça, ouais. Donc moi, ça me fait un peu peur sur le moment, quoi. Donc j'ai pas l'habitude de l'avoir comme ça. Moi, ça me fait rire. Ah mais moi, je comprends. Les insultes et tout, c'est bizarre quand même si t'as pas l'habitude. Je sais pas, ouais. Je sais pas si on a d'autres à qui c'est arrivé, mais en tout cas, c'est un peu chelou, quoi. Mais surtout que j'imagine en plus que quand ça t'arrive la première fois, tu dis bon bah c'était peut-être un moment à passer. Enfin, elle était peut-être dans ce délire-là. C'est le début. Ouais. C'est voilà, mais. Et mais c'est tout le temps. Il y a pas un moment où elle est détente. Non. Mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui rêveraient d'avoir une fille comme ça, hein, qui se lâche complètement au lit, qui soit un peu fofolle, qui arrive à dire des trucs un peu salaces. Elle est pas comme ça d'habitude, donc ça me fait peur en fait. Bah, j'imagine. Ouais, c'est hyper déroutant. Mais... Oui, mais enfin en même temps, dans la vie, elle va pas non plus se mettre à insulter les gens, à dire des trucs sales, quoi. Non, mais je me mets à la place de Dorian, d'un coup, je pense que toi, tu te dis, bah en fait, je la connais pas vraiment. Bah moi, j'ai eu ça une fois. D'accord. Bon, mais je te raconterai dans un instant. Tu sais quoi, Dorian, tu bouges pas. Marion, toi et ton anecdote, vous restez là comme ça dans les parages. Okay. On va t'interroger tout de suite. Et si comme Dorian, ça vous est déjà arrivé de tomber sur une personne qui change complètement de personnalité une fois qu'elle est au lit. Alors je sais pas, ça peut être n'importe quoi, comme Dorian des insultes ou autre chose. Surprenez-nous, appelez-nous 01 42 48 5000. On revient tout de suite. J'adore l'idée. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! De mercredi à samedi, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son Dance Floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Enfants, mettez-leur des boules caisses, c'est le moment de parler de... hein? Parler de quoi? Bah c'est le moment coquinou, quoi. Pas compris. On va parler cul. Ah ouais, d'accord. Dans le Night Show sur Fun Radio. Dorian a appelé le standard de Fun parce qu'il a un souci avec sa copine, ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble. A priori, comme ça, dans la vie de tous les jours, elle est calme, elle est posée, tout va bien. Sauf que quand ils font l'amour, elle se transforme. Elle dit des choses un peu salaces, des insultes, elle se lâche complètement et il la reconnaît pas. Mais, c'est vrai que c'est perturbant. Mais du coup, Dorian, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples ou pas? Ouais, je sais pas, après, comme des gens qui... Enfin, des fois, il y en a qui s'insultent... Bah gentiment, quand ils font l'amour, genre tête de salope. Ou, ouais, ouais, enfin déjà c'est quand même pas très courant. Ça, quoi, mais... Ouais, ouais, voilà, mais bon après, non après on n'est pas rendu au fouet pour l'instant quoi, mais. En fait, quand tu dis elle je se sais lâche. C'est pas trop ce qui m'attend quoi. Est-ce que ça veut dire que c'est elle qui prend tous les devants, elle te domine, elle te mène un peu à la baguette? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ouais, je vois très bien. Ouais. Bah écoute, après il y a des gens aussi qui expriment comme ça leur personnalité cachée. Moi je trouve ça plutôt intéressant, ça veut dire qu'elle kiffe tellement avec toi, elle se sent en confiance, elle se lâche à 100%, elle a pas peur d'être jugée, pourquoi pas hein. Mais Dorian, alors du coup tu demandais si c'était arrivé à des auditeurs de Fun Radio, mais visiblement c'est aussi arrivé à l'animatrice de show Marion. Oui, alors c'est pas exactement la même chose. Écoute-moi bien, moi c'était pas pareil, en fait je sortais avec un mec qui était plutôt assez calme, assez basique, il se passait rien de spécial. Voilà, ça se passait la journée, je vais pas vous donner son nom parce que peut-être qu'il écoute, on sait jamais. Ouais. Et quand on a commencé à faire l'amour, j'ai découvert qu'il avait une vraie passion pour les pieds. Mais c'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à me lécher les pieds, à me les embrasser, tout ça, chose qu'il ne me disait jamais dans la journée. Jamais il avait parlé de quoi que ce soit concernant mes pieds. Et à chaque fois qu'on faisait l'amour, et ben c'était ça. Mais c'est quand même un peu chelou, tu sais d'où ça vient quand même sa passion pour les pieds comme ça? Bah non, je sais pas comment tu veux que je sache. Je vais pas demander. Mais du coup, voilà, ça me perturbait à mort. Peut-être qu'en même temps, il travaillait chez Footlocker. Peut-être. Ouais, un truc comme ça, je te la prends celle-là. Non, mais ouais. Et du coup, après, il allait pas m'en parler. Mais c'est vrai que je l'imaginais pas du tout dans ce délire. Et comme moi, c'est pas du tout mon délire. Mais d'ailleurs, demain, on parlera des pieds parce qu'on a eu des appels là-dessus. Ouais, on a eu un mail d'un auditeur. On vous en parlera demain, qui était quand même bien chaud sur les yeux. Ouais, space quoi. Mais du coup, je comprends complètement Dorian parce que c'est difficile en fait d'en parler. C'est difficile de débriefer, de dire bon. Bah, je t'imaginais pas comme ça, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est que si, soit tu le fais dès le début, ouais. Tu sais, c'est comme quand t'as un pote qui a un métier compliqué. Tu vois, si tu lui demandes pas de creuser dès le début, tu comprendras jamais ce qu'il fait dans la vie. Bah là, si tu lui parles pas tout de suite, tu lui dis pas mais pourquoi t'es chelou. Après, c'est un peu compliqué. Mais quoi. Peut-être pas ça, mais peut-être que tu peux le faire un peu sur le ton de l'humour. Dis donc, bah dis donc. En tout cas, jamais j'aurais imaginé que t'étais comme ça au début. Non mais. Tu vois, si c'est vrai, c'est pas bête qu'elle dit Marion Dorian. Tu pourrais aussi lui dire, tu vois, j'aimerais bien que ce soir soit un peu plus tendre et tout, bah qu'on soit moins dans le jeu, dans le porno et tout. Par en couille à chaque fois, je sais pas. C'est bon, bah, écoute. Après, il faut que ça colle sexuellement. Si ça colle pas, si ça te convient pas, mec, tu vas pas te forcer non plus, hein. Ouais. Tu vois, bah, je te dis pas de la larguer, mais enfin bon, comment savoir si elle fait pas d'efforts, si elle s'adapte pas à toi aussi. Faut peut-être remettre certaines choses en question. Ouais, je sais pas, on essaie d'en reparler, mais ouais, elle t'exprime pas trop sur le sujet, quoi. Mais ouais. Mais franchement, Marion, parfois je te regarde, je me dis, mais comment il peut y avoir autant de savoir dans ce petit bout de femme? Mais non, mais c'est vrai, écoute. Discours présidentiel. Elle a toujours le shit, quand même, pour Marion, taper dans le mille. Ton discours. Mon discours par rapport à quoi? À la présidence. Alors, moi je pense, et je le dirai toujours haut et fort dans cette émission, la communication dans un couple, au point de vue sexuel, ou d'ailleurs personnel, social, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous ne communiquez pas, ça ne marchera pas. Et le sexe, on ne se force jamais, Dorian. Écoute-moi, jamais. Bravo, bravo. Bah merci, mais Anso, parce que tu me laisses parler là, mets-toi. T'as eu pas mal d'aventures dans ta vie. Est-ce qu'une fois, t'as trouvé qu'un mec changeait de personnalité au lit ou pas? Alors déjà, je vois pas pourquoi Ami rigole quand on dit ça. Et oui, je suis tombée déjà sur plusieurs personnes. Alors j'avais déjà un mec qui me regardait chelou. Genre, dès qu'on commençait à faire l'amour, il me regardait comme une bête féroce, là, comme un espèce de loup, comme s'il était possédé. C'était hyper troublant. Et puis un autre, il poussait des râles d'animaux, genre des « Oh !» Mais rien qu'en m'embrassant. Ah ouais, c'est-à-dire alors qu'on n'avait pas encore commencé à faire l'amour, qu'il poussait déjà des râles, c'est insupportable. Ouais, mais ça c'est pas un changement de personnalité, c'est juste un truc que t'as découvert au niveau du cul, quoi. Si, parce que c'est pas quelqu'un de très expressif. Tu vois, par exemple, quand on mangeait, il était pas genre c'est bon, ouais, tu vois. Ouais, je comprends. Et là, à peine il m'embrassait, il poussait des râles lourds. Oh. Ouais, mais en même temps, tu peux pas leur reprocher ça, ils sont comme ça, les pauvres. Oui, mais c'était pas excitant. Bah, oui, ça, je comprends. Dire. Il y a Valentine de Menton qui nous a appelé. C'est rigolo, toujours Menton. Bonsoir Valentine. Salut Marion, salut Anso. Ça va? Oui, ça va, ouais. Bon, est-ce que toi, tu as vécu ça, un changement de personnalité avec quelqu'un? Bah ouais, écoute, moi, mon mec, la journée, c'est un gros nounours, franchement, une bonne patte et tout. Et puis le soir, quand on est au lit, là, ça devient vraiment une bête, quoi. Ah, genre. Bah ouais, mais ça, c'est pas mal, hein. Ah oui, c'est dans le bon sens, là. Mais alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Comment il se transforme? Ah bah ouais, c'est des mouvements brusques, des vraiment ouais des râles aussi comme elle disait, franchement mais c'est vraiment tout l'opposé, quoi. Et toi, ça te dérange ou ça te va comme ça? Non, moi ça me convient très très bien, quoi. Au contraire, je préfère que ce soit dans ce sens-là. C'est le principal, j'ai envie de te dire. Moi aussi, voilà. Je trouve que dans ce sens-là, c'est plutôt sympa. Moi aussi, même si parfois, ouais. T'es d'accord, Valentine, on aime bien que ce soit un peu tendre, un peu... Oui, bien sûr. Pas tout le temps, une bite. Il faut alterner. Oui, ah, c'est ça, c'est l'équilibre. Voilà, encore une fois, Marion a mis le doigt dans le mille. Je peux refaire un discours? Refais-nous un discours. Alors, dans votre vie sexuelle, les amis, il y a un détail très important et je tiens à œuvrer pour ça. L'équilibre, jamais trop, jamais trop peu. On jauge bien les choses, c'est hyper important. Si vous êtes trop sauvage, on se lasse. Si vous êtes trop tendre, on se lasse. Donc, l'équilibre. Marion présidente. C'est marrant parce que quand on fait les Marion présidente et qu'on commence à chanter, il y a toujours un con dans l'équipe qui sait jamais quand s'arrêter. Qui ce con? Bah c'est Thibaut alors. Ouais, c'est moi les gars. Voilà, bah écoute Valentine, merci en tout cas de nous avoir appelé, ma chérie. De rien, gros bisous à tous. On t'embrasse. Ouais. Bisous. Allez, sympa. Il y a Cédric aussi qui est avec nous. Bonsoir Cédric. Ouais, salut Cédric. Bonsoir à tous. Ça va Cédric? Ouais, impeccable. Il fait beau, je suis sur la route du retour, donc tout va bien. Ah, t'étais en vacances? Non, même pas. J'étais sur Paris là avec des amis. Sur Paris? Non, sur Paris. D'accord. Paris. Ok, et du coup, tu nous écoutes sur la route? C'est ça, sur la route. Au top, sois prudent quand même, hein. T'as mis le kit. Là, je viens de m'arrêter, là, c'est bon. Ah, c'est bien. Moi, j'aimerais bien savoir comment il nous a découvert. Comment je t'ai découvert? Ouais, l'émission. L'émission, voilà. Alors, bah, dis-nous, sur la route, je pense, non? De quoi? Oui, sur la route, ouais, on se chie, donc on écoute un peu tout ce qui se passe. Et voilà, et tu t'es arrêté sur Fun Radio et t'y es resté. Et là, je suis resté bloqué, d'ailleurs. En fait, il m'a même excité, l'autre, en fait, avec sa copine. Ah ouais? Ah, bah. Ça m'a donné des envies, ça m'a rappelé, moi. Ah, raconte. Voilà, donc j'étais policier. Oui. Il y a 2-3 ans de ça, j'étais sorti avec la Elle a ça à mon copain, enfin mon copain, à un meilleur pote. Et une fois, elle m'a demandé de l'attacher au lit, en fait, avec les menottes. Hein? Et c'était resté comme ça. Bon, ça m'avait pas choqué plus que ça. C'est beaucoup de fantasmes par rapport à quand t'es une fille, quand t'es policier. Et une fois, on était rentré sans un délire avec des amis qui étaient venus à la maison. Mais, et donc et donc voilà. Il est mort de rire. Il s'auto-fait rire, tu sais. Il est en auto-one-man. Voilà, tout seul. Donc on l'avait attaché, me noter normal, parce que si t'as le bien. Et il va pas finir son histoire. Et allô? Ah, je pense que c'était une énorme vanne, alors c'est pas possible. Ouais, il a raccroché. Non, il a plus de réseau, mais il avait l'air cool. Je pense pas que ce soit une vanne, on va le rappeler. Ou alors, je sais pas, avec sa joue, il a raccroché de rire. Mais c'est quoi en fait? J'ai pas compris. Donc, elle était normale, il l'a attachée. Parce ouais. qu'elle l'a voulu, j'imagine. Mais surtout, j'ai très très peur qu'il l'ait laissé attacher pendant des semaines, cette femme. Bon, on va essayer de joindre Cédric en attendant les garçons dans l'équipe. Ouais. Qui a déjà vécu comme ça un changement de personnalité avec une fille? Non. Non, personne? Moi, j'ai déjà eu. Ah, Amir, raconte. Elle s'appelait Margot. Ouais. Et elle était. Elle était hyper timide, hyper introvertie comme meuf. Ouais. Mais par contre, quand on couchait ensemble, elle voulait me mordre, me griffer tout le temps. Elle était ouais, mais tu vois, il y a indomptable. Plein de meufs. Et t'es sûr qu'on parle bien d'une femme là? Parce Pourquoi que Wacha se comporte exactement pareil avec les hommes. Non mais alors j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes de ce côté-là, c'est-à-dire qui sont assez sages, assez timides et qui se ouais. révèlent au lit plutôt que l'inverse, genre des grosses chaudasses qui envoient des SMS de cul qui allument et qui au final sont de vraies étoiles. Ouais, ah non, moi j'ai des potes qui sont tombés sur des nanas qui chauffaient grave par message avec tu sais, toutes les applications Tinder et tout, c'est facile parce que t'as pas la personne en visu et qui chauffaient, puis une fois arrivées, rien du tout quoi. Ah bon? Ouais, ça existe des Elmus comme ça. Oui, mais est-ce que tes potes sont pas trop exigeants aussi? Parce que. Non, bah pourquoi? Parce que tes potes sont des gros chaudards. Non, mais bon, t'en as quand même certains. Est-ce qu'on a récupéré Cédric, Yannick? Oui, il y avait des serres là. Ah, il y avait des serres, d'accord. Non, mais... c'était dangereux là. D'accord. Cédric, ouais. tu es de nouveau à l'antenne, raconte-nous. Je suis de nouveau à l'antenne. Donc voilà, j'étais avec la petite sœur de mon copain. Ouais. Et une fois, après, bon, j'avais déjà dit, elle m'avait déjà demandé de l'attacher, ça me semblait pas bizarre. Sauf qu'une fois. On était avec des amis, tout ça, et à la fin de la soirée, bon, ils ont dormi à la maison, c'était pas le problème. Elle m'a demandé de l'attacher, et j'ai commencé à lui bander les yeux, et j'étais dans un délire. Bah, à mon tour, j'étais dans mon délire, et j'ai appelé mon collègue, en fait. Arrête. Et flics aussi avec moi. Si, si. Et on a commencé à jouer avec elle, sauf qu'au cours d'action, on lui a enlevé le bandeau. Et quand ça a perçu que c'était mon collègue, bah. Ah non, mais ça, au début, c'est pas possible. Elle était un peu. Mais après, elle a rien dit de spécial. Ah non, ça, c'est horrible, Cédric. Hein. Ah ouais, ça, non. c'est. Non, mais c'est grave en plus, parce que là, vous avez. Enfin, ton pote, en tout cas, elle était pas au courant, a profité d'elle, tu vois. Ouais, c'est... elle était pas consentante de coucher avec cette personne-là. Bon. C'est pas bien, Cédric. Hein. Après, quand il lui a enlevé le bandeau, après, elle a continué. Parce qu'après, elle a quand même fini. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, les gars, c'est dangereux quand même, ça. Hein. Ouais, vous êtes tombé sur une chaudasse, mais une fille normalement constituée, normalement, se serait sentie limite agressée. Hein. Ah, moi, je t'explique, ça passe pas du tout. Hein. Ah ouais, moi non plus, t'imagines, t'as les yeux bandés, tu penses que t'es avec un mec. T'ouvres les yeux, c'est un autre mec. Ah non, mais. Surprise, non c'est... Ah non, non, non. Ah non, pas du tout, moi. C'est-à-dire que moi, c'est fissa que je te porte pas. Ah, quand ouais. j'ouvre tes cadeaux de Noël, c'est toujours pas. T'es pas tout au courant de la surprise, non? Non, ouais, non, mais d'accord, mais mes cadeaux de Noël sont pas des êtres humains, en fait, Cédric. Ah. Non, Cédric, alors, mauvaise surprise. Après, non, si elle a fini. On le dit qu'une fois. Non, mais oui, toi, oui, mais elle. Si elle avait pas eu envie de faire ça. Non, non. Peut-être qu'après, ça. Non, mais visiblement, elle était contente parce que vous avez fini, c'était cool. Voilà. Mais Cédric, la prochaine fois, ne le fais plus. Il faut vraiment le bon, faire avec des gens. On s'est parlé après, donc je pense que ça a pu aider. Bah oui, il y a moyen quand même aussi, Cédric. Cédric, quand même. Non, mais quand même. Mais enfin, franchement, c'est un peu grave là ce que tu nous racontes, Bichon. Hein. Ouais. Il faut jamais Bichon, faire ça. Non, mais je te jure, si vous nous écoutez là, c'est une mauvaise idée. On doit savoir avec qui on couche, c'est la base. Donc non, on ne trompe pas comme ça les filles. Même si vous avez l'impression qu'elles sont hyper ouvertes et tout. Non, là, il a eu de la chance, mais sans déconner, une fille bah, comme moi. Franchement, mais j'aurais pété un plomb. Ah, mais moi je t'explique, non, mais ça serait tellement mal passé, Cédric. Je te dis. Hein. On n'est pas content, Cédric. Bon, après, tant mieux pour toi, ça c'est bien fini. Mais non, mon petit chat. Non, mais heureusement pour toi que ça s'est bien fini, mais recommence pas. Ah, reçu, chef. Bon, ah, okay. C'est pire que la police, c'est toi. Fais attention sur la route. Toujours. On t'embrasse. Allez, bisous. Non, mais non. Bah non, mais attends, il peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bah oui, non, ça on valide pas. Non, non, ah, non, ça va avec qui on couche. Non, non, non, moi je suis complètement outré. Bonsoir, Adrien Thomas. Hello, bonsoir. Ça va toi? Ça va et vous-même, vous avez passé un super week-end? Oh bah écoute, très sympa. Tu sais, on est de retour depuis hier, nous. Tranquille. Ouais, c'est vrai, j'ai pas l'habitude, mais moi le lundi, je suis genre, ouais, oui. Pourquoi tu prends cet accent? On va très sympa, nous. J'ai pas fait exprès. Bon, Bichon, on doit te poser la question. On parlait des changements de personnalité. Oui, en gros, lunatique. Non, c'est pas ça. En gros, tu sors avec une personne, t'as l'impression de la connaître. Par exemple, elle est très calme dans la vie, tout ça. Par contre, au niveau du cul, elle change complètement de personnalité. Soit elle devient complètement chaudasse, soit tu vois, elle se transforme, tu découvres un truc que tu savais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça d'être surpris au lit? Ouais, souvent. Ah, ouais. Alors est-ce que c'est par des meufs complètement chaudasses qui finalement t'ont déçu parce que trop sage ou l'inverse? Oui, c'est souvent des meufs hyper timides qui après du coup se lâchent un peu. Mais après c'est aussi surtout au niveau des moi j'ai toujours un problème avec les personnes qui parlent en faisant l'amour et qui sont très très très très très expressives. Ce que je veux dire. Alors, en termes de cris ouais, et c'est en ça. Termes c'est-à-dire de que la journée, ça va être machin. Et limite, en fait, et le pire, c'est quand tu présentes ta meuf à tes potes qu'elle parle pas, qu'elle est pas du tout sociable, ouais. Et que en fait, quand elle est avec toi au pieu, c'est une furie. C'est qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre délire. On dit souvent que c'est celles qui en font le moins qui en disent le moins qui en font ça, le plus. Non, ça c'est parce que moi, j'en parle beaucoup et je ken quand même à donf. Ouais. Je suis d'accord, mais regarde tous les témoignages qu'on a eu ce soir, c'est des filles archi timides qui finalement se lâchaient à fond. Ouais. Ouais, mais c'est nul ça. Bah pourquoi? Mais c'est nul. Bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es timide? Ça sert à rien. Mais enfin, t'es pas obligé non plus d'être complètement extraverti dans ton couple. Tu peux te lâcher au bon moment. Si je puis me permettre, Adrien, t'es pas obligé de nous engueuler non plus, hein, parce que c'est pas notre faute à nous. Le gars s'énerve. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que ça m'énerve les gens qui sont un petit peu timides. Donc, d'accord. Voilà, c'était mon coup de gueule du soir. Écoutez, me lancez pas là-dessus. Bah écoute, merci Adrien, ça nous permet également de mieux te connaître. Voilà. Adrien Thomas pour Party Fun jusqu'à 1h du mat. Sachez que nous, on viendra demain en direct à partir de 22h et qu'on a de l'invité qui va débarquer dans les prochains jours. Ouais. Mercredi soir sera Ritza qui sera avec nous. Puerto Rico. On est fiers parce qu'on vous a fait découvrir ce titre dans le Night Show. Et il fera le live de ce morceau aussi, on lui prépare plein de surprises. Et puis le 25 octobre, c'est Amir qui viendra nous voir. Elle est contente, elle en peut plus. On va aussi recevoir Hakim et Youss du Whoop là très prochainement. On est en train de caler la date. Oh, j'ai l'impression qu'il va y avoir du beau monde dans le Night Show. Oui. Bruno dans la radio va vous réveiller demain à partir de 6h. Et je voulais juste faire un gros bisou, une dédicace, un joyeux anniversaire à Nina qui nous écoute souvent. C'est son anniversaire ce soir. Donc toute l'équipe, un gros bon anniversaire en cœur. 3, 2, 1. Bon anniversaire Nina! Ben Nina, tu sais quoi? On finit cette émission en chanson pour toi. Oh là! Est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là! Merci beaucoup! The biggest club in France. Bonsoir et bienvenue dans Party Fun sur Fun Radio. On est en direct au minuit 7. J'avais pas vu le temps passer, dis donc, ouais. On a un petit peu. Ça va, alors bientôt on va finir à minuit et demi. Tu m'as manqué hier. Ah ouais? Eh. Ah bon? Et je t'ai vu sur son petit live Facebook, dis donc, qui était tout beau. Ouais, j'étais chez moi dans mon salon. Tiens, si je faisais pas un petit live Facebook. Et j'ai mis plein de commentaires, jamais tu m'as répondu. Hein. Sérieux? Ouais, j'ai mis des épouse-moi, j'adore ton corps. Ah, c'est vrai? J'ai mis plein de trucs sur son live Facebook, il a rien vu. J'ai pas vu. Ouais. J'ai vu Amir passer, qui a mis son petit com, mais j'ai pas vu Enzo. Bon, ouais. Bah moi j'ai pas mis de com, donc c'est normal. Voilà. Merci. Je t'en prie. Je sais qui sont mes fans dans ce studio, je sais qui ne me suit pas. Ce soir, au programme, il y aura un remix incroyable de The Weeknd et Daft Punk avec Starboy, remixé par Weston. Bah, tu vas adorer encore plus ce remix, là, tu vas voir. Cashmere aussi avec Invisible Children. Qu'est-ce qu'on va écouter? Tiens, un petit Kooks, un petit Calvin Harris ce soir. Oh. Et puis on démarre avec. Ils seront nos invités ce soir dans le Before Party Fun à 19h. Richard Orlinski et Eva Simmons avec Heartbeat qui veut dire. Ça veut dire le cœur sur la tub. Non, c'est le rythme cardiaque. Et après, on se fout de ma gueule parce que je fais des interviews en anglais. Rythme cardiaque. Voilà, merci beaucoup. Enfin, et retour des boucles. ça vous avait manqué. Hein. Allez, on se fait le son de Richard Orlinski et Eva Simmons. Et puis on se dit à demain. Bisous. Hein. Bisous. Rushing on a feeling.

you.